C'est fou 89.1. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Le plan d'aujourd'hui, assemblage requis. Alicia Lemieux en aura long à dire sur l'impact que l'humain peut avoir sur la planète dans sa chronique éco-responsable. Et Xavier Méclis en aura aussi long à dire, surtout parce qu'il n'est pas arrêtable quand il commence dans sa chronique. Assemblage requis commence tout de suite. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage requis. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis. On se le dit 20 novembre 2017 à 158 jours de la fin d'année scolaire. Je m'appelle Mathieu Plantin. Et moi, Tania Baudin. On est en direct des studios de Cifou à Trois-Rivières, là où il y a plus de glace que n'importe quoi d'autre. Et qui fait froid ce matin. Il est là. C'était le premier jour de mes crampons. Tu sais que ma famille m'a acheté parce qu'il ne faudrait pas que je me casse un autre bras cette année. Mais non, c'est ça. J'apprécierais que tu ne te casses pas un autre bras, s'il vous plaît. Dans le fond, c'est un cadeau pour toi. Oui, exact. Si mais je pense que c'est un cadeau pour nous deux. Donc, aujourd'hui, à l'émission, on va avoir bien du fun. Comme ça, même si c'est une autre semaine qui commence. Une autre semaine du mois de novembre. Et novembre, c'est un peu comme le mercredi des mois. Mm-hmm. C'est gris. C'est gris, c'est plat. C'est plat. Tu veux que ça passe? Ouais. Ouais, bref. Aujourd'hui, donc, Alicia Lemieux va être avec nous à 7h30 pour sa chronique éco-responsable. Elle nous parle souvent d'environnement et de trucs comme ça, des trucs pour faire avancer notre monde. On a aussi à 9h Xavier Méclis qui, lui, ben, nous niaise un petit peu. Il sort des niaiseries. Ben oui, tout le temps. Sac à surprise. Tout le temps. Donc, ça, c'était à 9h. Toi, ta chronique s'en vient plus tard. Tu vas nous faire ta chronique Talia du Golden Entertainment. Oui, on va parler de voyage ce matin parce que novembre, c'est aussi le temps où les gens commencent à se magasiner des voyages pour pouvoir sortir du Québec. Exactement. Vous allez voir. Ça, des chroniques maison plus tard, mais on va commencer ça avec la chronique qu'on aime faire en début d'émission, étant donné qu'encore une fois, comme tous les lundis, je pense, c'est l'habitude de commencer un petit peu en retard. Un petit peu en retard. Donc, pas de musique dès le début. Non. On sauve du temps un peu. Hein? C'est ça. Donc, voici son foutu palmarès. Chronique, on a établi une liste sur un sujet plus ou moins précis. Aujourd'hui, thématique jouets. Jouets, jeux, des on trucs comme ça. On commence avec des joyeux festins. Miam, miam, miam. Ah, miam, d'accord. Miam. Donc, on parle de 15 jouets de joyeux festins qui valent beaucoup d'argent sur eBay. Ah, ouais. Donc, peut-être allez-vous pouvoir vider votre grenier ou votre garage en arrivant à la maison. Peut-être. Pour trouver vos vieux jouets de joyeux festins. Ça pourrait être une mine d'or pour vous. Commençons par les Happy Meal Changeables qui valent jusqu'à 140$ US. C'est des jouets qui ressemblaient à des versions miniatures de nourriture de chez McDonald's. Ah, bon, OK. Dont un contenant de frites, un emballage de croquettes de poulet, un milkshake. Mais lorsqu'on les manipulait d'une certaine façon, ils se transformaient en mini-robots. Oh! Une série de 1987 assez populaire pour que McDonald's ramène l'idée en 1989 et en 90. Ça se vend entre 20 et 70$ pour l'ensemble, mais un ensemble complet et scellé. C'est vendu récemment pour 140$ US. Et quand même! C'est énorme. On parle de petites crèmes glacées, des trucs comme ça. Il y a plein de un emballage, tu sais, de styrofoam de burger qu'il y avait dans oui. le temps. Il y a ça aussi. Ensuite, les jouets de Monsters Inc. qui peuvent valoir jusqu'à 100$ US. Oh, ouais! Ouais, 5 ans avant que Disney calme un petit peu leur relation avec McDonald's, supposément à cause des implications de la mauvaise nourriture, du fast-food, mais les deux côtés nient cette histoire. Non, franchement. Bien sûr. Il n'y a pas de mauvaise nourriture chez McDonald's. Non, ils servent des quartiers de pommes. Ben oui. Donc, ils se sont mis ensemble pour sortir des figurines de Monsters, Inc. En fait, on parle de 10 jouets qui brillent dans le noir avec des portes et des accessoires comme ça, comme dans le film. Des morceaux individuels qui peuvent se vendre pour 5$ chacun environ, mais un ensemble complet pas ouvert, mint, ça va être 100$ US. Ensuite, les 101 dalmatiens peuvent valoir jusqu'à 70$. Donc, c'est un ensemble complet de 1996. Pourquoi? C'est parce qu'il y en avait exactement 101 à collectionner. McDonald's a même sorti une valise spéciale pour garder les chiens. OK. C'est fou, la valise avec les chiens dedans. My God. Incroyable. Toujours dans la même thématique des chiens, mais les 102 dalmatiens, ça peut valoir aussi jusqu'à 70$. C'était donc la même chose pas mal que la première promotion. C'était en 1996 la première, la deuxième en 2000. C'était l'ensemble complet des chiots pour 70$ US aussi, maintenant sur Internet. Ensuite, les jouets de Madame Alexander, des petites poupées. Qui peuvent valoir jusqu'à 80$. Les poupées Madame Alexander de grandeur. Je dirais pas grandeur humaine, mais on dit que c'est des grosses figurines. Bref, des poupées vintage en bonne condition peuvent se vendre bien au-dessus de 1000$. Les versions Joyeux Festin, elles, ne sont pas aussi grosses, mais quand même, c'est un bon prix. Hein. On parle donc de 2007-2008 du Magicien d'Oz. Oui, ben oui. Ça. Et ça s'est vendu pour plus de 80$ US. Une version autographiée a été vendue pour 600$. Non, a été mise en vente pour 600$, mais ne s'est pas vendue, malheureusement. Ensuite, on parle de Diner Keshi. Qu'est-ce que c'est, Diner Keshi? Je sais pas, mais tu sais, ça a l'air vraiment laid comme jouet. C'est vraiment, on dirait de la pâte à modeler. Oui, vraiment, qui a mal pogné. Ouais, vraiment. Bref, produit à la fin des années 70, début des années 80. Les figurines Diner Keshi sont presque les premiers, parmi les premiers joyeux festins, jouets de joyeux festins, plusieurs petites séries de créatures en caoutchouc, des créatures de la mer, des dinosaures, des personnages de cirque et des voitures. Certains ensembles se vendent toujours pour 80$ US. Ensuite, les McFurbies. Ça, c'est mes préférés. T'as les Furbies, pas les McFurbies. Pas les McFurbies, okay. Mais les Furbies. Parce que si t'avais des McFurbies chez toi, tu pourrais les vendre pour jusqu'à 900$ US. Ouh là là! Ok, oui. Donc, McDonald's... J'en avais un quand j'étais jeune, en plus, j'aurais dû le garder. Ah, tellement. Ils ont embrassé complètement la folie des Furbies à la fin des années 90. Du 22 mars au 22 avril 99, les collectionneurs pouvaient ramasser jusqu'à 80 de ces mini Furbies dans leur joyeux festin. L'ensemble au complet s'est vendu... ça a été mis aux enchères encore une fois pour 900$. Ça ne s'est pas vendu du tout. Bref, mais un ensemble de 126 jouets, pas en condition mint, un petit peu usagés, se sont vendus pour 75$. Avec la sortie en 2016 de Furby Connect, il y avait une promotion Happy Meal, jouet festin qui venait avec, mais ça n'a pas eu le même impact que la sortie de 1999. Ensuite, les Monsieur Patates, mais version enfant, Potato Head Kids, jusqu'à 80$. Bien avant que Toy Story, histoire de jouets, ramène Monsieur et Madame Patate à la mode, McDonald's fabriquait les Potato Head Kids, donc des petites patates de plastique avec des morceaux qu'on pouvait enlever, bien sûr, et beaucoup de personnalité. Des ensembles partiels, donc pas au complet, peuvent se vendre entre 20 et 30$. L'ensemble de 12 au complet, même s'il manque quelques morceaux, ça peut aller jusqu'à 80$ US. Ensuite, Snoopy World Tour. Oui. Qui peuvent valoir jusqu'à 200$ US, donc c'est une promotion dans les marchés asiatiques à la fin des années 90. Et exactement comme les 101 et 102 dalmatiens, ça venait avec une valise spéciale pour accueillir les votre collection. Ouais. Une boîte complète, c'était 28 figurines Snoopy internationales. Oh. Donc la thématique internationale pour presque 200$ sur eBay. Les thématiques étaient Fidji, l'Irlande, le Mexique, Jamaïque, Chine, Hong Kong, Russie, Venezuela, États-Unis, Nouvelle-Zélande, Indonésie, Pologne, Roumanie, Trinidad, Macao, Thaïlande, Yougoslavie, Japon, Australie, Panama, Argentine, Pérou, Brésil, Hawaï, Hollande, Finlande, Corée et Taïwan. Donc, il n'a pas fait le tour du monde au complet, mais il a fait quand même 28 endroits. Ensuite, justement, parlant de Snoopy, le 50e anniversaire de Snoopy pourrait vous faire jusqu'à 60$ US. Il y a toujours eu un bon marché pour Snoopy. Et l'an 2000, c'était le 50e anniversaire. Et pour célébrer, McDonald's a sorti une série de voitures, de parades, de jouets. Entre autres, Cyber Snoopy, Jammin' Snoopy, Journey into Space Snoopy. Donc l'emballage complet, toujours pas déballé, vous pourriez avoir jusqu'à 60$ US entre vos mains. Sinon, si c'est déballé et un peu utilisé, ça peut quand même valoir un 44$. Quand même, pas une grosse différence entre l'emballage et pas l'emballage. Non, c'est ça. Ensuite, toujours dans la liste des jouets de joyeux festin qui peuvent valoir beaucoup d'argent sur eBay, on continue avec les Teeny Beanie Babies. Ben oui, Ouais. C'est un classique, ça, je pense. Jusqu'à 100$, oui, quand même. McDonald's s'est pris, s'est fait prendre par la folie des Beanie Babies au début des années 90. Le géant du fast-food a parlé avec Ty, les jouets en 1997. C'était tellement fort, cette mode-là, que les employés de chez McDonald's volaient des boîtes de Beanies. Et les lignes téléphoniques de McDonald's étaient remplies de clients qui voulaient savoir quand il allait avoir de nouvelles figurines. McDonald's a fait d'autres promotions Teeny Babies après les années 90, mais aucune n'était aussi folle que la première. En 2004, les employés de McDonald's ont été capables de commander un emballage, un ensemble du collectionneur pour commémorer le 25e anniversaire des Joyeux Festins, mettant en vedette des beanies nommés Golden Arches pour les arches dorées de McDonald's, Big Red Shoe pour évidemment notre ami Ronald, mais Croquette Frites Burger, Joyeux Festins et Shake, l'ensemble avec quelques... avec quelques... Oui, c'est ça, quelques trucs qui avaient rapport avec Ronald, lui aussi, et ses amis de McDonald's Land. L'édition limitée avec les Beanies, toujours dans leur emballage, vaut 100$ US. Ensuite, les Power Rangers. Oh boy! Ouais, un peu comme les Teeny Babies, les Power Rangers, c'était une autre mode. McDonald's les a utilisés plusieurs fois pour faire la promotion de plusieurs projets et films. Si vous avez n'importe quel de ces ensembles-là, ça pourrait vous faire plein d'argent. Un emballage de 11 jouets s'est vendu pour 35$ et un 9 jouets de 1994 pour 32,50$. Ah, c'est bien! Ensuite, les McNugget Buddies. Des mecs croquettes, mais déguisés. Ah, oh, c'était dans le temps de l'Halloween, ça, si je me souviens. Oui, exactement. Il y a même une citrouille, une croquette en citrouille. Bref, c'était des croquettes de poulet anthropomorphiques, comme on l'appelle, déguisées, voilà, pour l'Halloween, dans des joyeux festins entre 1988 et le milieu des années 90. Le facteur nostalgie augmente le prix de ces jouets-là. 6 de ces croquettes de poulet de l'Halloween se vendent pour 35$. Et certaines figurines peuvent valoir plus cher, comme une mec croquette déguisée en dragon pour presque 20$. Oh! Ça doit être parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Ça doit, hein? Ensuite, Mr. Man, tu te rappelles les petits bonhommes, Monsieur, Madame, quelque chose, là? Oui, ben oui, ben oui. Il y avait des petites Mrs. aussi. Oui, exactement. Miss... Donc, on parle, entre autres, des livres avec ça dessus. Donc, si vous avez l'ensemble complet de ces personnages de Joyeux Festin par Roger Hargreaves, ben, c'est ça, vous pourriez faire beaucoup d'argent. Les Mr. Men, Mr. Mrs. Men, peu importe, ont été en vedette dans plusieurs promotions de McDonald's à travers le monde, dont des versions en peluche et en plastique. Ah ouais? Ouais, l'ensemble de 40 peluches pour 90$. Oh! Et un ensemble complet de mignons. Ça peut valoir jusqu'à 400$ si vous avez plusieurs ensembles. Donc, McDonald's a sorti plusieurs jouets des mignons pour coïncider avec le lancement de Despicable Me, Détestable Moi, ouais. Et les spin-offs, bien sûr. Le plus récent emballage a été il y a quelques mois, le plus récent ensemble, oui. Donc, si vous avez un ensemble complet ou une combinaison, ou de quelque chose de rare, peut-être qu'il vient d'un autre pays avec les mignons, vous allez faire pas mal d'argent sur eBay, encore une fois. Ben là, encore une fois, j'aurais dû garder mon minion à un moment donné. Eh, mais non! Trop tard! Et on va continuer, on a un petit peu de 2-3 minutes encore pour parler de faits sur la pâte à modeler Play-Doh. Mm-hmm. Ouais, donc c'était au mois de septembre, la journée du Play-Doh national, le 16 septembre, si vous voulez fêter ça, garder ça en note pour l'année prochaine. À l'époque, le Play-Doh s'était vendu pour nettoyer les tapisseries. Hein? Ouais, avant que les enfants jouent avec de la pâte à modeler, leurs parents utilisaient ça pour enlever les saletés sur les tapisseries, sur le mur, en roulant une boulette sur la surface. Ensuite de ça, plus de 3 milliards de cannes de Play-Doh ont été vendues depuis 1956. C'est assez pour se rendre à la Lune et revenir un total de 3 fois. Wow. Ça tenait en une seule couleur à la base. Ah ouais? Étant donné que c'était un produit de nettoyage de tapisserie, c'était seulement une couleur, un genre de blanc cassé. OK. Quand c'est arrivé comme jouet dans les années 50, le rouge, le bleu et le jaune ont été ajoutés. Et de nos jours, Play-Doh vient en presque chaque couleur de l'arc-en-ciel. Il y en a plus de 50 au total. C'est sûr. Ouais, mais on dit que les couleurs préférées des fans, veux-tu deviner? Rouge. Oui, rouge, il s'appelle Rose Red. T'as Purple Paradise, okay. Garden Green et Blue Lagoon. Oh. Pendant un moment, le Dr. Teen Lou avait une habileté que personne d'autre au monde avait. Il était expert de Play-Doh. Le Dr. Teen Lou a perfectionné ou a aidé à perfectionner la formule du Play-Doh pour la compagnie à l'origine qui était Rainbow Crafts. Il est resté comme expert Play-Doh lorsque la pâte a été achetée par Kenner et ensuite par Hasbro. Ensuite, on peut sentir le Play-Doh. Ouais. Ben oui, ben oui. C'est tentant. Hein? Ben non, mais tu sais, quand tu dis à quelqu'un, ah, ça sent la pâte à modeler. Mm. C'est clairement le, l'odeur de Play-Doh que t'as dans, dans le nez. Ouais, l'odeur caoutchouteuse, mm-hmm. on dirait. Bref, pour commémorer le 50e anniversaire de la pâte, Dimiter Fragrance Library a travaillé avec Hasbro pour faire une fragrance Play-Doh. Oh boy. Développée pour les gens créatifs qui cherchent un parfum qui leur rappelle leur enfance. Récemment, Hasbro a pris un trademark, d'auteur, marque de commerce sur la senteur, sur le parfum. Donc, ceux qui ont déjà ouvert un pot de Play-Doh savent ce que ça sent, tu viens de le dire. C'est tellement distinct. Au début de 2017, Hasbro a donc demandé à se protéger pour la marque de commerce de ce parfum-là, que la compagnie décrit comme une odeur unique formée par la combinaison du sucré et de la vanille et un petit peu de cerise et l'odeur naturelle d'une pâte basée sur le blé et un petit peu salée. Ensuite, ça peut faire une très bonne empreinte. Lorsque les scanners biométriques étaient plus primitifs, mm-hmm. les gens ont découvert qu'on pouvait faire un moule du doigt d'une personne. Ensuite, mettre la Play-Doh dans le moule pour faire une réplique exacte du doigt qui allait pouvoir passer à travers les méthodes du scanner d'empreinte. Donc, tu peux t'en servir pour passer une porte, par exemple, ou un appareil. Donc, en 2005, on a estimé que Play-Doh pouvait réussir à tromper 90% de tous les scanners d'empreintes digitales. Mais la technologie a avancé depuis, donc ça fonctionne plus. Là. Les systèmes sont beaucoup plus sophistiqués aujourd'hui. Ensuite, ça a une place dans le National Toy Hall of Fame. C'est sans vraiment nous surprendre. Non, c'est ça. Pas c'est surprenant. Ça. Donc, c'est le National Toy Hall of Fame au Strong National Museum of Play à Rochester, New York. Il a vécu sa cérémonie en 1986 et selon le Hall of Fame, on estime que les enfants ont joué avec 700 millions de livres de pâte à modeler Play-Doh. Et finalement, on peut transformer ses créations Play-Doh en personnages animés maintenant. Play-Doh est un jouet classique qui existe depuis vraiment longtemps, mais depuis 2016, il y a une version un petit peu plus à jour. Hasbro a lancé Touch Shape to Life Studio, une application qui permet aux enfants de transformer leur création Play-Doh en personnage animé. Donc, tu prends des captures de ton jouet, de ce que tu as fait, de ce que tu as créé, et tu peux t'amuser avec virtuellement. Voilà pour Play-Doh et voilà pour notre petit bloc thématique sur les jouets aujourd'hui, dans son petit palmarès. Alors, on prend une pause. Au retour, Alicia Lemieux s'en vient pour nous parler de tout ce qui était éco-responsable. Salut Alicia. Bon matin. De quoi tu nous parles tantôt? En fait, je vous parle d'innovation à venir. Alors, d'ici 2050, qu'est-ce qui nous attend au niveau des avancées technologiques, entre autres pour l'environnement, puis d'autres trucs là, qui devraient peut-être nous aider à mieux vivre ou à avoir de nouvelles idées. En tout cas, ça nous intrigue. OK, oui. On revient en 2000. Pour toi aujourd'hui, assemblage requis. Vous êtes assez fou. Pour l'écouter. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Vous êtes toujours dans l'émission matinale Assemblage requis, accompagné de Mathieu Plante. Et de Talia Bonnet. OK, oui, dans quelques instants. Oui, Alicia Lemieux, ça revient. C'est le froid, je crois, qui fait ça. Je pense que oui. Ça n'a pas le choix. C'est le cerveau qui gèle. Ouais. On s'écoute une pièce, une nouvelle entrée du palmarès francophone. Il va falloir que j'articule ça. La famille Ouellet. La famille Ouellet. Voici Satin à Assemblage requis. Mais tes doigts qui me guident deviennent mon chemin. J'ai pas trop voulu croire, mais les moments scintillés deviennent lendemain. Orphelin, zigzag. Puis nous on voit des stars au moment précis. Puis le silence des parfums. Le rose pâté brûlant, real brûlant. On le put up dans une bulle, pretty dirty baby. On était solo dans la place. Tout nu dans l'appart, comme si tout le monde nous regardait. Ow! Quand la lumière se reclose, c'est qu'il faut racheter. Ah, que ton corps s'élève encore au-dessus du ciel. Ah, tu tiens. Vous attendiez pas à ça du tout avec le nom de la famille Ouellet. C'était Satin à Assemblage Ricky. Ça s'écoute bien le matin. Très relax. Maintenant, une autre qui, je pense, aime ça relaxer le matin. En tout cas, moi, je trouve qu'elle a l'air tout le temps calme. C'est vrai. Et jamais c'est comme ses nerfs. C'est Alicia Lemieux qu'on accueille avec sa chronique éco-responsable. Salut Alicia. Bon matin à vous deux. Bon matin. Vrai? Tu trouves que t'es matinale, t'es une fille calme le matin? C'est peut-être juste parce qu'elle n'est pas encore réveillée aussi. Ouais, je pense que c'est un peu des deux. Là, fait que faut pas c'est ça, le prendre au pied de la lettre. Mais oui, je pense que je suis relativement calme pour venir vous parler d'environnement. Voilà. Ben oui, c'est ça. Et de choses qui vont aider notre planète. Ben oui, on l'espère, hein, du moins. On espère que la technologie va nous aider à avancer dans le bon sens. C'est vrai, on parle du futur aujourd'hui. Oui, on parle du futur, en effet. Alors, j'ai essayé de trouver quelques innovations qui sont actuellement sur pied ou qui sont à venir dans le monde, le domaine de l'environnement ou du développement durable ou du moins des technologies là, qui vont nous faire avancer prochainement. Mm-hmm. Alors, on commence maintenant avec... ça a été annoncé très récemment, un des premiers poids lourds 100% électriques qui va sortir la compagnie Tesla, donc qui a déjà sorti là, quelques véhicules dans les dernières années. Donc c'est ça, c'est un poids lourd 100% électrique, c'est l'entreprise américaine Tesla qui devrait mettre en production vers la fin 2019 un poids lourd, donc un 10 roues électrique nommé Tesla Semi. Le véhicule pourrait rouler jusqu'à 800 km avant de faire un plein d'énergie. La recharge prendrait environ 30 minutes, mais ce à l'aide d'un nouveau réseau de bornes baptisé Mega Charger. Donc, ça serait un nouveau type de borne de charge pour ces véhicules-là qui prendrait environ 30 minutes. Donc, c'est extrêmement rapide là, pour recharger ces gros camions-là. Donc c'est ça, la Tesla Semi place le conducteur en position centrale, alors il y aurait un seul banc qui serait situé au centre du véhicule, des deux côtés il y aurait deux écrans tactiles où il y aurait vraiment toute l'information sur le véhicule, la vitesse de croisière, si jamais il y a un bris, quoi que ce soit, donc le conducteur est vraiment informé. Et semble-t-il que ces véhicules-là ont vraiment été faits dans le but de faire des parcours en environ 400 km aller, donc un aller-retour sans recharge, donc c'est pour des véhicules qui font des courtes distances. On mentionne qu'en moyenne, c'est à peu près ces distances-là qui sont parcourues. Donc, ils ont été conçus pour ça. Donc, c'est sûr que peut-être faire un aller du sud des États-Unis jusqu'à ici, peut-être que ça serait moins envisageable, mais pour des petits circuits, là, ça serait idéal. Donc, c'est pourquoi ils n'ont pas prévu non plus de système de couchage à l'intérieur du camion. Comme les conducteurs n'auraient pas besoin de dormir là, pendant ce trajet. Ouais, comme si ta batterie, si jamais tu commences à t'endormir, ils sortent une 9 volts, mettent ça sur la langue. C'est pas un choc. Pareil, Mathieu, pareil. Non? Je ne penserais pas que ça soit comme ça. Moi, ça me réveillerait. Alors, c'est ça, donc c'est vraiment pour des courtes distances. C'est aussi un dispositif de conduite semi-autonome. Alors, de plus en plus, on en parle, hein, les véhicules qui vont s'en venir sur nos routes, qui vont être autonomes, qu'on n'aura plus besoin de conduire. Bon, ben, ce modèle-là, un autopilote qui permet là, justement à la Tesla Semi de pouvoir intégrer une fonction de platooning, donc de pouvoir se conduire seul, mais avec des indications là, du chauffeur, donc qui peut reprendre le volant à tout moment. C'est pour ça que j'ai pas de permis encore, parce que je sais que ça sert à rien, je vais me faire conduire, mon char va conduire tout seul dans le futur. Hein? Ah, tu sais, t'es pas obligé non plus. Non. Alors, c'est ça. Donc, ce véhicule-là devrait être produit vers la fin 2019. Puis, on mentionne également que, en fait, ce que je ne savais pas, c'est que le fondateur, un des cofondateurs de Tesla, c'est un ancien cofondateur de PayPal. Ouais. Mm-hmm. Mm-hmm. Alors, information pour moi que je ne connaissais pas. Puis, semble-t-il, donc, il y a certaines personnes qui ont des craintes par rapport à ce véhicule-là parce qu'ils disent que, ben, actuellement, il y a le modèle familial, le modèle 3, qui n'est pas sorti, ben, qui n'a pas respecté les dates d'échéance. Alors, ils disent qu'ils vont faire pour 2019, mais est-ce que ça va vraiment arriver? Ouais. Ça arrive vite, hein, 2019. Oui, exactement. Ça arrive très vite. Puis, on a d'autres compagnies comme Volkswagen qui engendreront également le pas là, pour 2020 avec un même type de véhicule. Il y a des compagnies, je pense, de livraison qui ont déjà fait des réservations sur les premiers modèles. Les camions. Ouais, ça se peut très bien. C'est ça, les gens réservent à l'avance, mais est-ce que les dates d'échéance vont vraiment être respectées? Ouais. Ça se peut qu'ils l'aient juste en 2023. Mais en même temps, ils veulent encourager le projet et peut-être leur donner de l'argent pour pouvoir... Je sais qu'ils ont beaucoup d'argent, tu sais. Plus d'argent. Ben voyons! Exactement. Donc, pour mettre en place ces véhicules-là. Puis dans le même ordre d'idées, en Nouvelle-Écosse, un groupe de chercheurs du Collège communautaire de la Nouvelle-Écosse a conçu une génératrice intégrée à une voiture électrique, alors qui permettrait de rendre de l'énergie dans une maison en cas de crise. Alors, ce véhicule-là, c'est un véhicule électrique comme on les connaît, mais ils ont vraiment intégré une génératrice à l'intérieur de tout ça, qui est rechargée au même moment que le véhicule est rechargé. Donc, cette batterie-là est conservée. Puis, en cas de panne ou quoi que ce soit, on serait capable de connecter, disons, une génératrice d'une maison, tout ça, là-dessus. Donc, ça serait beaucoup plus environnemental, d'habitude, c'est au diesel ou à d'autres types de carburants du genre. Alors, c'est un projet pilote actuellement. Ils travaillent à ce niveau-là. Mais c'est quand même intéressant de voir ce progrès-là au niveau de l'automobile. Ensuite de ça, au niveau des énergies fossiles, ben en fait, on aurait trouvé, on a tous une fleur plutôt désagréable qui pousse l'été sur nos pelouses et qui nous semble plutôt inutile, mais qui pourrait nous aider dans un certain cas. Est-ce que vous avez une idée de quelle fleur je parle? Les pissenlits, non? Ouais, peut-être. Ouais, exactement, ouais. C'est des pissenlits. Alors, les pissenlits, selon une étude qui est menée par Suzanne Kaminski, c'est une professeure à l'Université de Saskatchewan, ça démontrait que ces plantes-là, si on plante des pissenlits dans les sables bitumineux, ça favoriserait la repousse de plantes après l'abandon de l'exploitation dans ces sites pétroliers-là. Donc, les pissenlits contiennent un champignon qui absorberait les résidus chimiques des sables bitumineux. Ah. Donc, ça permettrait là, d'éventuellement avoir une repousse puis de remettre de la verdure sur ces endroits-là qui sont bons. Ah ouais? Cool. Je pensais pas ça pendant tout du pissenlit. Pissenlit champignon, ça me dit des kombucha au pissenlit, c'était pas super bon. Pareil. Avec non, des énergies, avec un peu de sable bitumineux qui flotte, une petite huile là, sur le dessus, je sais pas. Hein. C'est ça, ben, mon questionnement est surtout à ce niveau-là. Je me dis, bon, après ça, ces pissenlits-là vont avoir à tout absorber ça. On va faire quoi? Ils vont mourir? Je sais pas. À suivre. Mais bon, on verra. Bien. Semble-t-il que ça pourrait être une idée pour enrayer là, les sites d'exploitation qui sont laissés seuls. Oui, une idée à explorer. Exactement. Puis, également, d'ici 2030, ben, on devrait voir le jour de divers types de semences par transgenèse. Pardon. Okay. Donc, cela dit, c'est un peu comme des plantes. On a des plantes annuelles, mais il y a des plantes également qui reviennent d'une année à l'autre. C'est un peu dans ce même type-là. Alors, ça serait une repousse naturelle à chaque année dans les champs d'avoine, de blé, de maïs. Donc, ça serait des semences qui, d'une année à l'autre, repousseraient. Donc, on n'aurait pas besoin d'aller replanter dans les champs. Donc, cela nécessiterait environ 5 fois moins d'eau et 35 fois moins d'engrais que les cultures classiques pour faire pousser ces cultures-là. Donc, c'est quand même intéressant de voir que ça pourrait exister. Mm-hmm. À suivre, est-ce que ça va être éternel? J'imagine qu'à un moment donné, il faut changer tout ça, ouais. Mais bon. Pour le moment, ça pourrait être une belle alternative. Mais les repousses, c'est une ressource renouvelable. Si on regarde Occupation 2, ils ont tout des repousses. Ouais, peut-être. Bon calme, bon calme. Merci. Au niveau de l'informatique, Mathieu, peut-être que tu vas te sentir interpellé, je sais pas. Ça je connais un petit peu moins tout ça, mais je t'en parle, puis peut-être ça va te dire quelque chose. Alors, une autre innovation un peu plus complexe à comprendre, imaginer, mais il s'agit d'un ordinateur réversible. Ça dit quelque chose? Réversible. Ouais. Non. Non, hein? Est-ce que c'est comme le modèle qu'ils utilisent dans l'armée, là? Réversible, comme tu peux tourner? C'est ça? Je pense pas. Ben, c'est pas en fait réversible, réversible, je trouve mon ordinateur. C'est plus au niveau du système d'exploitation réversible. Okay. Alors, cela dit, c'est que paraît-il que un ordinateur produit beaucoup d'énergie en raison des données inutiles qui sont perdues par l'ordinateur. C'est ce que je comprends. Et l'industrie informatique génère à elle seule 2% des émissions de gaz à effet de serre devant l'industrie aéronautique due à cela. Donc, en raison d'une requête informatique qui génère des données inutiles, deux chercheurs de l'Université de Cornell en Floride auraient justement là, trouvé cette alternative-là, pardon, qui permettrait en fait de... un instant, j'ai... l'information qui me passe sous les yeux. Donc, c'est ça. Ça permettrait... Voyons. On va l'avoir. Oui, c'est ça. On va l'avoir. Non? C'est un bug d'ordinateur. Okay. Ouais, ben non, ça se peut pas. Donc, c'est ça. Dans le fond, ça serait... on imaginait un ordinateur réversible qui serait capable de revenir à l'état original de la requête quand une erreur est détectée. Donc, ça permettrait de supprimer les effacements d'erreurs et l'énergie dissipée avec tout ça. Donc, ça serait, dans le fond, les données seraient automatiquement supprimées, donc on n'aurait pas de perte d'énergie due à ça. Donc, c'est purement théorique qu'ils disent pour l'instant, mais ça pourrait justement là, amener à une application réelle du procès. Eh bien, je ne savais pas ça. Oui, exactement. Ensuite de ça, on parle du graphène. Est-ce que ça dit quelque chose, ça, Mathieu? Le graphène, c'est pas les... c'est pas, ça n'a pas rapport avec les crayons, ça, hein? Pas Crayola. La mine du crayon. Peut-être une sorte de plomb. Moi, c'est ce que je pensais. Ben peut-être. Quand je te parle de ça, c'est remplacer le silicium qui sont dans les puces électroniques. Le graphène fait figure de favori. Donc c'est un matériau qui est constitué d'une feuille de carbone qui est à peu près l'épaisseur d'un seul atome. Donc c'est très très très petit. Et puis ça permettrait. C'est très conducteur et très résistant. Donc l'écriture sur une puce au graphène serait 1000 fois plus rapide que les mémoires flash actuelles qu'on connaît. Ces puces seraient capables, entre autres, de résister à 20 000 cycles d'effacement, réécriture et permettraient de fabriquer des écrans souples. Ouais. Ah, OK. Ouais. Donc, ça serait pour ça. Puis, il faudrait environ calculer entre 15 et 30 ans pour passer à la recherche scientifique, à l'application, puis ensuite à l'application industrielle. Donc, ça pourrait prendre encore là, plus de 30 ans là, arriver. Ouais, c'est ça. C'est triste un peu. Le graphène est composé d'une chose disponible en abondance dans la nature, c'est le graphite qui est dans la mine de crayon. Donc, il y a du graphite dans le graphène. Ah, bon. Voilà. Merci de la suite d'informations. Ensuite de ça, écoutez, je vous parle de... c'est ça, une pile. Une pile qui se recharge au mouvement. Alors, il s'agit d'un jeune entrepreneur, Nicolas Topper, qui a fondu cette petite compagnie-là lors d'un start-up, donc comme on connaît ici les start-up week-ends, en Europe. Puis, cette pile-là se recharge grâce à un générateur cinétique. Alors, c'est vraiment une pile que tu peux insérer, disons, dans une manette. Je ne sais pas si la manette est spécifique ou tu as absolument cette manette-là. Mais du moins, c'est quand tu vas brasser la manette, l'objet, que la pile va se mettre en fonction et que tu vas être capable d'avoir de l'énergie. Donc, automatiquement, disons, elle va répondre aux signaux. Mais disons qu'elle est quelques minutes inactive, il y aura rien qui va fonctionner. Donc, à ce moment-là, elle ne perd pas d'énergie. Et au moment où tu rebrasses la manette, il y a de l'énergie qui est propagée. Très cool. Donc, c'est ça permet. Puis, c'est une batterie qui est beaucoup plus durable et qui permet là, justement de pas jeter nos piles qu'on connaît aujourd'hui. Je sais qu'il y en a qu'on peut déjà recharger. Ouais, là, c'est ça. Mais on en gaspille tellement des batteries. Ah, c'est fou, hein? Je pense que d'après moi, c'est une des choses qu'on gaspille le plus. Ça fait des années que je n'en ai pas acheté et je recommanderais à tout le monde de ne pas acheter des batteries. pas rechargeable, s'il vous plaît. Ouais. Mais sachez que vos batteries rechargeables ont souvent une durée de vie aussi. Hein? Oui, mais plus qu'une fois. On parle oui, de plusieurs centaines. C'est certain. Mais je sais même pas si ça se fait encore beaucoup des batteries qui sont pas rechargeables. Ah, fais-moi confiance, ouais. Ils en vendent. Ouais. Ouais. Je vois des gens en acheter en paquet de... Ben, ça dépend beaucoup. T'sais, des fois, c'est parce qu'on a on a différents objets dans la maison qu'on n'a pas le choix d'avoir des batteries. Sauf que, à la longue, c'est ça, ces batteries-là se retrouvent dans les sites d'enfouissement. Puis, c'est pas très pratique. Non. Ensuite de ça, écoutez, je vous parle d'autoroute qui s'autorépare. Ah oui? Mm-hmm. Alors, selon la Corrosion Society, un organisme américain, le coût de la corrosion des infrastructures en béton s'élèverait à 125 milliards de dollars par an aux États-Unis. Ça, c'est sans compter les conséquences des travaux là, qui occasionnent des interruptions dans la circulation et les embouteillages. Alors, l'équipe de Hank Jonkers de l'Université de Delft aux Pays-Bas planche sur un nouveau béton qui comblerait lui-même les fissures en ajoutant simplement de l'eau. Alors, des bactéries intégrées à l'intérieur du béton réagiraient avec le dioxyde de carbone qui formerait une couche de carbonate de calcium. Donc, c'est un peu scientifique tout ça, là, mais en gros, ça serait extrêmement résistant. Puis les bactéries peuvent survivre en état dormant pendant des centaines d'années. Reste à trouver celles susceptibles de résister au milieu alcalin du béton. Donc, ça serait trouver la bonne bactérie qui pourrait rester là. Mais donc, on aurait juste à rajouter de l'eau sur notre asphalte ou notre béton. Puis, Wow! Il va falloir faire des téléphones cellulaires en béton pour pouvoir les auto-réparer quand ils échappent à terre. J'avoue, hein? Une couche de béton sur le dessus du cellulaire serait parfait. Ensuite de ça, une centrale solaire spatiale. Alors, c'est en fait, dans l'espace, le rayonnement solaire est de 8 à 10 fois plus important que sur la Terre. Il n'est pas occulté ni par l'atmosphère ni par les nuages et garantit un ensoleillement constant. Donc, c'est là que l'idée est venue de déployer des panneaux solaires dans l'espace. L'énergie générée serait transformée en faisceaux de laser ou micro-ondes pour être acheminée vers la Terre, puis ce serait capté par une antenne parabolique. Donc, on serait capable d'aller chercher l'énergie solaire, mais directement par des panneaux qui seraient projetés dans l'espace. Il y a deux projets actuellement qui sont en cours. Donc, il y a un Américain de l'agence spatiale japonaise, Ajax, en collaboration avec Mitsubishi Heavy Industries. Cette dernière table, c'est une première entrée en service en 2030. Donc. Puis, le chiffre de coût serait de 21 milliards de dollars. Oui, ouais, ouais, c'est sûr. C'est considérable, mais si ça fonctionne bien, ça en aura valu la peine. Hein. Et puis, je vous parle également de une ferme verticale urbaine. Une ferme verticale urbaine. Je pense qu'il y a comme un des trois mots qu'on comprend. Oui, c'est ça. Une ferme. Non, urbaine, on comprend. deux mots sur trois. Ben oui, ben c'est ça. Mais moi, c'est le vertical là, que j'arrive pas à comprendre. Ben les vaches sont toutes penchées. Ouais, c'est ça, exactement. Non, en fait, c'est... on estime qu'à partir de 2050, il y aurait 6,4 milliards d'habitants qui résideront dans des milieux urbains. Mm-hmm. Donc, si on considère qu'on est comme 7,5 milliards actuellement, c'est quand même beaucoup plus que la moitié de la population. Non, mais ça compte 3,3 milliards aujourd'hui. C'est pourquoi il y a beaucoup de cabinets d'architectes qui se penchent sur des projets de fermes verticales. Alors, ça serait des cultures qui prendraient place dans des immeubles. Ah, OK. Mm-hmm. Alors, c'est selon des promoteurs, l'agriculture urbaine représente des avantages vraiment considérables. Puis, elle permettrait une production en continu, économiser sur des surfaces arables, créer une filière intégrée avec des industries de transformation alimentaire. Donc, tout ça sur, disons, une bâtisse. Donc, tu pourrais avoir des appartements. Ouais. Mais entre certains étages, tu serais capable de faire des îlots où ça serait comme plus ouvert, puis il pourrait y avoir des animaux avec la verdure et tout ça. Donc, c'est un peu dans cette... Et l'odeur va être faire pousser excellent. Du gazon sur du béton, mettons. Ben, ça existe déjà un peu, mais pas, disons, sur du béton. J'imagine que tu mets une couche de terre qui part en tout ça. Là, au niveau de la conception, tout ça, je sais pas. Mais, tu sais, on en voit déjà un petit peu, là, souvent, les terrasses urbaines, on appelle tout ça. Donc, de plus en plus, on en voit. J'avais vu également sur un toit d'épicerie d'IGA, de quoi comme ça, il y avait vraiment là, tout consacré là, dessus pour faire planter des légumes, tout ça. Donc, un peu dans ce même processus-là. Mais ça serait une tour vivante qui vise à associer la production à agricole, l'habitation et les activités dans un même endroit. Donc, tu aurais tes légumes, tu sortirais de chez vous, tu aurais tes légumes, tu pourrais aller faire ton jogging aussi, puis tu rentrerais chez vous, tout ça dans le même immeuble. Ça donne envie. C'est bon, je trouve que c'est une bonne idée. Ouais. à suivre. Est-ce que ça, c'est possible? C'est ça. Est-ce que c'est possible? Est-ce c'est que beau, ça va se faire? Puis finalement, ben, je finis avec des arbres lampadaires pour éclairer les rues. Oh, OK. Ben voyons. Ben ouais, mais oui. Ça, c'est... Oui, c'est des arbres étonnant. De lampadaires. On met des lumières dedans? Genre? Dans les arbres ou est-ce que les lampadaires sont déguisés en arbres? Oh! Ça pourrait être tout ça en même temps. Ouais. Mais c'est encore plus que ça. Ah, OK. Ouais, c'est l'éclairage public représenterait 8 % de la consommation électrique mondiale. Alors, des étudiants de l'Université de Cambridge au Royaume-Uni ont imaginé le remplacement des lampadaires par des arbres lumineux. Oh. Mm. Alors, ils ont réussi à introduire dans le génome d'une cellule ou un gène issu de la luciole ou d'une bactérie sous-marine capable de restituer la lumière. Alors, d'après leurs calculs, un arbre consommerait... environ 0,02 de l'énergie qu'il absorbe par la photosynthèse pour émettre suffisamment de lumière pour éclairer une rue. Pendant la nuit, pendant qu'il fait noir. Exactement. Oh, wow. Donc, la nuit, automatiquement, l'arbre, chou, il prendrait la lumière puis pourrait éclairer les rues. Donc, adieu les lampadaires, on plante des arbres lumineux qui, en plus de ça, ben, captent la photosynthèse, moins d'îlots de chaleur, etc. Donc, ça pourrait... ça serait, c'est ça... belle récompense dans l'innovation en génie génétique. Mais en utilisant la photosynthèse, l'arbre va pas mourir maintenant? C'est une bonne question. Je sais pas. J'imagine que l'arbre peut mourir. Ouais. Mais si tu replantes un arbre dans ce même genre-là. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Mais c'est comme un lampadaire, il pourrait m'amener des huées, puis on l'enlève, on le met juste. Mais l'arbre, au moins, j'imagine, va pouvoir se décomposer dans la nature après c'est son cycle de vie. Même si c'est sûrement très, très long avant que l'arbre soit poussé à sa pleine grandeur, j'imagine. Ouais, c'est ça. Il doit moins illuminer quand il est petit. Peut-être. À suivre. Je sais pas. À suivre. Bref, bonne idée. Mais pis c'est ça, plein de nouvelles innovations. On va voir où est-ce que ça va nous mener, mais c'est intéressant de savoir ce qui nous attend. Très intéressant. Le futur est devant nous. Exactement. On aime ça. Merci Alicia Lemieux. Merci à vous. Nous, on va retourner en arrière à la place d'aller dans le futur. On va entendre une pièce qui s'appelle 1994. Oh, on d'accord. En 1994. Voici Beliefs. Est-ce que vous étiez nés les deux en 94? Oui. Oui, mais juste. Oui! Je m'attendais à deux noms. Mais oui, Mathieu. Oui, cool. Molten light. Belize avec 1994. À son âge, on prend une pause. Au retour, ta nièce, Gun Entertainment. Qu'est-ce que ça en vient, un petit On mot, parle là? De voyage, Mathieu. Voyage. Au retour, restez là. À l'assemblage requis, on se le dit 20 novembre 2017, elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Et quand j'ai dit à Tania, on a du temps aujourd'hui pour une autre chanson, vu qu'on a beaucoup de chroniqueurs, elle me dit, bah, de toute façon, on est lundi. Ben oui. Quelle bonne raison. Hey, hein, on va se le dire quand même, là. On veut pas commencer ça trop rough. Non, on est lundi, on prend ça cool. On est en novembre, en plus, le mois qui compte comme pas vraiment dans l'année parce que c'est pas un bon mois. Exactement. Donc, on écoute Mara Tremblay avec le soleil. Ah, c'est fun, ça va nous ramener le soleil. J'ai rendez-vous avec le soleil, si j'arrive à l'heure, il m'offrira son dernier regard, son dernier élan, son grand déploiement. J'ai rendez-vous avec le soleil. Mara Tremblay à Assemblage requis, maintenant tel un rayon de soleil vient illuminer nos matins, blablabla, paroles creuses. Voici Tania is gonna entertain ya. Alors, ça sortait tout seul, c'est voulu. C'était une petite Tania qui voulait être trop immédiat. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école, c'est Tania. And she's gonna do tea. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta And she's gonna do the Tania, on parle de voyage. Oui, aujourd'hui. On parle de voyage aujourd'hui. Vous allez voir, ça devrait être intéressant. Okay. On est au mois de novembre. Présentement, aujourd'hui, en tout cas, je pense que c'est une des plus belles journées de novembre que j'ai vues à date. Oui, même s'il fait froid. Il fait froid. Il fait beau. Il y a de la glace partout. Mais il y a quand même un petit rayon de soleil qui veut se pointer le bout du nez, si on regarde ça comme ça, là, présentement. Ils sont pas gênés. Non, c'est ça, exactement. Mais reste quand même que novembre, c'est un temps où la plupart des gens, la plupart des Québécois, vont penser à sortir du Québec. Ouais. Parce que justement, le froid s'installe, puis pour certains, on n'aime pas tant ça. Pour d'autres, on adore. Mais aujourd'hui, je vous parle en fait des bienfaits du voyage. Ouais. Parce que, on le sait, voyager, je pense que tout le monde aime quand même ça, à moins qu'on ait vraiment gros le mal du pays. Et lorsqu'on décide de voyager, bien, ça renferme quand même beaucoup de bienfaits. La liste peut évidemment varier là, d'un voyageur à un autre, mais il y a certaines choses qui vont revenir toujours sans aucun doute, peu importe où vous allez. Et pour la plupart du temps, bien, il y a des trucs aussi qui sont incroyables que le voyage va vous apporter. Alors, sans plus tarder, on se lance dans les bienfaits comme ça. Peu importe où vous allez vous retrouver avec des tonnes de nouveaux amis. Oui. Parce que peu importe quel moyen d'hébergement vous allez utiliser en voyage, bien, vous allez revenir toujours avec une espèce de panoplie de nouveaux amis qui viennent des quatre coins du monde. C'est sûr que là, on parle si on part pour plus de quatre jours, mettons. T'sais, on parle d'un voyage qui, où on va essayer de découvrir à un certain point cet endroit-là où on s'en va. Et souvent, ça va être dans les auberges de jeunesse. On voit ça quand même assez souvent. Mais reste en fait que plus on vieillit, moins on a tendance à se faire beaucoup d'amis en voyage. Il faut quand même se le dire, rendu à une trentaine d'années. On est peut-être un petit peu plus sauvage en voyage. Moi, je vous laisse comme idée de quand même discuter avec les gens qui sont autour de vous. Quand même bien que ce serait les gens que vous allez rencontrer qui sont locaux. Peut-être que ça va vous amener justement des liens, des gens qui restent dans ces endroits-là et vous allez quand même revenir avec une tonne d'amis. Donc, après ça, il n'y a rien qui empêche dans le futur de retourner là-bas et être hébergé par cet ami-là ou peut-être eux s'ils viennent au Canada, etc. Exactement. Puis souvent aussi, ce qui va être intéressant dans tout ça, c'est la langue qui va être différente. Ouais. Une langue différente que nous. Donc, si on se met à avoir une tonne d'amis dans le même coin de pays, mais on vient tous pas de la même place, bien le changement de culture et le fun aussi, c'est intéressant et ça va faire en sorte que vos soirées vont peut-être être moins plates en voyage. Surtout si vous êtes du type à voyager seul, bien souvent, c'est à ces moments-là qu'on va réaliser qu'on se fait beaucoup d'amis. Par la suite, la patience. Hein? La patience, c'est un bienfait du voyage. Pourquoi? Parce qu'on va la développer en voyage. Là, on parle surtout justement des voyages où on va être seul. Donc, si on a des heures d'escale interminables, par exemple, à l'aéroport, l'autobus, si on essaie de se rendre à une prochaine destination et qu'on a 8 heures d'attente, bien, croyez-moi, soit vous allez être impatient ou très patient. ça dépend de vous. Donc, si jamais vous voyagez seul ou encore vous avez des colocs de dortoir bruyants et irrespectueux, bien, ce sont tous des choses qui sont fréquentes en voyage, surtout si ce sont, comme on le disait tout à l'heure, là, des voyages où on va aller dans des auberges de jeunesse. Eh bien, à force de voyager, vous allez aiguiser un petit peu cette patience-là et vous allez développer aussi des petits trucs pour vous occuper pendant de longues heures d'attente. Donc, on parlait d'un escale, par exemple, en avion. Qu'est-ce qu'on fait tout seul? Un escale d'avion pendant 8 heures. Hein? Ben, on va jouer à solitaire, bien souvent. C'est ça, lire un peu. Hein? Ben, lire aussi. Donc, c'est des heures d'attente où vous allez aussi apprendre à apprécier le temps que vous avez. Oui. Sachez-le. Et à ne plus voir les choses comme une attente aussi. Vous allez voir les choses un petit peu plus comme une découverte à chaque fois. Et souvent, bien, ça va faire partie de l'aventure du voyage. Parce que, bon, on s'entend que si on va visiter l'Europe, il y a de fortes possibilité qu'on ait des temps d'attente, que ce soit en train, que ce soit en métro ou encore que ce soit en avion. La plupart du temps, on va avoir ce temps d'attente-là où on va devoir se montrer patient et on va peut-être aussi tout simplement avoir cette capacité à penser différemment lorsque vient le temps de voir la patience comme une grande vertu. Et comme on disait avec Catherine Langlois il y a quelques semaines, il y a des pays où tu vas peut-être pas sortir dehors le soir par cette heure, donc tu vas voir à te divertir à l'intérieur peut-être. Oui, c'est ça, exactement. Parce que c'est des quartiers moins recommandés ou des trucs comme ça. Pensez-y aussi avant de partir en voyage. Pensez à ce que vous allez faire lorsque vous allez avoir un temps d'attente, parce que parfois, ça arrive, on se dit « j'aurai pas d'escale ». Oui. En temps normal, mon avion va arriver, tout va bien aller, mais il existe un « mais » où, justement, Mère Nature peut faire en sorte que ça va différencier les choses. Pensez au film de Noël, là, où il y a tout le temps une tempête de neige quelconque. Ouais. Bien, à ce moment-là, ça se peut que vous ayez besoin d'aiguiser votre patience au maximum. Ne commencez pas à payer vos comptes puis étudier, là. Non. En vacances. On est en vacances, exactement. Par la suite, bien, on va apprendre aussi à apprécier les différentes cultures. Comme je le disais tout à l'heure, avec les amis qu'on va se faire, je pense que le voyage, ça fait partie aussi d'une ouverture d'esprit. Si à la base, on n'aime pas nécessairement découvrir d'autres cultures, on va souvent être amené à rester chez nous le plus souvent, mais un esprit ouvert, ça permet d'apprécier de nouvelles choses, comme par exemple les cultures qui sont différentes. Donc, on en vient à apprécier tout ça de façon à presque remercier la vie qui a autant de différences dans le monde, et surtout la connaissance des gens qui vont être autour de vous, ça va vous amener une plus grande ouverture d'esprit. C'est sûr que si vous vous ramassez, par exemple, dans une auberge de jeunesse, et la personne qui couche à votre droite est vraiment pas du même pays que vous, vous comprenez à peine parce que, bon, son anglais est botché un peu, le vôtre aussi, vous faites des mimes, savoir qui va à la salle de bain en premier, bien, ça peut vous amener des discussions qui vont être très intéressantes et qui vont amener aussi... une culture de voyage différente. Rappelez-vous que vous allez être deux entités de deux cultures complètement différentes et vous allez vivre votre voyage de façon différente. Donc ça peut être quelque chose que vous allez faire, discuter de cette différence-là dans le pays où vous allez vous retrouver et bien évidemment à travers la nourriture. Oui. Je pense que c'est quelque chose que la plupart des gens aiment bien lorsqu'on voyage. C'est la différence culinaire en termes de culture en voyageant. Ça peut s'avérer être très, très plaisant. Délicieux. Exactement. Ce qu'on va aussi avoir comme bienfait du voyage, c'est de vivre le moment présent. Parce que souvent, les voyageurs qui débutent vont vouloir voir le plus de choses possible en seulement, par exemple, 24 heures. On prendra pas nécessairement le temps de voir les choses. On va vouloir prendre le plus de photos possible. Et avec le temps, on va apprendre que c'est pas plus grave que ça si vous avez pas pris la photo de l'incontournable du 4e coin de rue en Italie ou de la tour là-bas en France, peu importe. Tout le monde les a pris pour autre chose. Bien, exactement. Et souvent, en tout cas, moi, je vais vous dire ça comme ça. C'est quelque chose que j'ai réalisé un petit peu avec les années. Souvent, lorsqu'on est plus jeune, on a tendance à justement vouloir sortir son appareil photo le plus rapidement possible. Laissez-le dans votre sac. Ah oui, pour vrai? Ah. Bien, vous allez justement apprendre à vivre le moment. Ouais. Un souvenir que vous n'allez pas montrer à tout le monde, bien grave. Non, c'est ça. Vous allez avoir le souvenir pareil gravé en mémoire. Donc, avec le temps, on servira peut-être plus non plus de nos guides. On va voir les choses différemment. Notre instinct va être assez suffisant aussi. Et vous allez apprendre à vivre à fond les activités que vous allez faire, les activités que vous avez choisi de faire aussi. Il y a une raison pour laquelle vous avez choisi de faire cette activité-là. Et nécessairement, c'est pas pour pouvoir la prendre en photo. Non. Du moins, je ne laisse pas. Et même là, si vous voulez prendre une photo, vous savez que vous avez votre téléphone sur vous, de toute façon. Exactement. Mais tu le gardes dans ta poche, tu vis pas avec ça. Tu le gardes pas autour de ton cou pour tout le temps prendre des photos. C'est ça, exactement. Okay. Et souvent, si on fait la comparaison, on va sortir entre amis. Lorsqu'on a début vingtaine, on va souvent prendre des photos entre amis lorsqu'on sort, lorsqu'on a un souper, peu importe. Rendu à 25-30 ans, ça diffère un petit peu. On s'entend que si vous êtes passionné de photographie et que vous voyagez pour la photographie... Vous allez peut-être les vendre après, tu sais. Exactement, c'est complètement différent. On ne vous dit pas que vous ne devez pas prendre de photos. C'est sûr qu'il y a des moments où vous vous dites « je veux absolument immortaliser ce moment-là ». Mais est-ce que votre voyage en entier aux 5 minutes vaut la peine d'être immortalisé sur une petite diapositive? Je suis pas certaine. C'est la même chose qu'un concert. Quand tu vas voir un spectacle, est-ce que tu veux voir le spectacle ou prendre des photos? Le voyage, est-ce que tu veux le vivre ou prendre des photos? C'est exactement ça. Prends ta décision. Il faut apprendre à vivre le moment présent, ouais. Être là, avoir les deux pieds ancrés où nous sommes et tout simplement apprécier ce qu'on voit autour de nous. Par la suite, un autre des bienfaits, c'est sortir de sa zone de confort. Ben et oui. Je pense que le voyage, ça va amener ça un petit peu pour tout le monde, tout dépendant de la place où on s'en va. Mange pas chez McDo à chaque jour quand on va manger. Non, c'est ça. C'est sûr que si vous allez dans un resort là, dans le sud, il y a de faibles chances que ça sorte de votre zone de confort, ouais. À moins que vous soyez tout le temps ici en hiver. Puis là, vous décidez de partir, par exemple, je sais pas moi, dans le temps de Noël, sans votre famille, juste vous et certains de vos amis, ça peut vous sortir de votre zone de confort si vous êtes habitué de faire ça. Mais je pense que quel meilleur moyen que le voyage pour sortir de sa zone de confort? Il n'y a pas grand-chose. Donc, lors de vos premiers voyages, par exemple, vous allez risquer de vivre un petit moment qui va être déstabilisant, que ce soit avant de prendre l'avion, que ce soit dans l'avion, ou que ce soit juste le soir avant de vous coucher et repenser à votre journée. Souvent, vous allez avoir une espèce de petit pincement où vous allez vous dire « Hey, wow, minute, je suis confortable, moi, là? » Ou « Je suis pas confortable du tout. » Ça, ça veut dire que vous êtes en train, justement, de prendre conscience de votre zone de confort qui change. Vous allez découvrir que les voyageurs vivent littéralement pour ce feeling-là en temps normal. C'est quasiment un feeling d'adrénaline intense, on doit le dire, parce que certains vont, par exemple, mettre le pied à l'extérieur de notre zone de confort. Quand je pense à ce genre de voyage-là, je pense surtout aux voyages qu'on peut voir, là, les gens qui vont aller passer un mois en Thaïlande, tu sais, vraiment, là, les gros changements où on va revenir changer de ce voyage-là, où on va pouvoir penser, avoir une réflexion sur nous-mêmes, c'est souvent le genre de voyage qui va nous amener à faire une sortie de notre zone de confort. Et vous allez voir, pour ceux qui n'ont peut-être pas encore voyagé beaucoup dans leur vie, vous allez prendre goût à ce petit changement de zone de confort-là assez rapidement. Vous allez vouloir travailler pour pouvoir repartir par la suite. Donc, venir triste dans le sens de retourner à ta routine, c'est plate. Il y a un syndrome, entre guillemets, que plusieurs voyageurs expliquent par la dépression du voyageur. C'est ça, hein? C'est comme le contraire du homesickness où tu t'ennuies de ton chez-toi, là, c'est oui. Tu t'ennuies de ce que tu as vécu. Tu reviens chez vous et tu trouves que c'est plate de rester chez vous. Ça fait en sorte que, un, vous avez passé un excellent voyage, vous avez apprécié votre voyage, vous l'avez vécu à 100 % peut-être même 120 % sauf que ça peut être difficile de retourner à la routine, justement. Il y en a qui vivent de vouloir voyager absolument parce qu'ils ont besoin de ce feeling-là, d'être un petit peu, justement, à l'écart de ce qu'ils connaissent tout le temps. Par la suite, les expériences, ça vaut beaucoup plus que le matériel. Combien de fois est-ce qu'on est parti en voyage, on s'est dit, est-ce qu'il faut que je ramène quelque chose à 142 personnes de ma famille? Bien, vous allez découvrir assez rapidement que de dépenser 500 $ pour un billet d'avion ou bien pour un festival de musique, ça vaut 100 fois plus que le dernier téléphone intelligent. OK, je dis ça comme wow, ça. Mais là... Je te vise pas nécessairement toi, Mathieu, mais c'est les expériences qui forgent la personne. Ben oui. Souvent, c'est ce qu'on dit. Et ça va faire en sorte que ça va devenir un petit peu la personne que vous allez être. Donc, il y a des bébelles que vous pouvez vous procurer dans la vie de tous les jours. Ça fait quasiment repenser notre budget, en fait, en termes de savoir est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Où ça peut me servir à payer une partie de mon billet d'avion quand je vais vouloir partir. Ouais, tu le vois, les gens qui aiment ça voyager, des fois, vont s'empêcher de faire plein d'autres affaires. Exactement. Peut-être que vos sorties vont être moins fréquentes. Mm-hmm. Vous allez vraiment penser à votre budget en termes de vouloir partir. Comme par exemple, je lance ça comme ça. Moi, je veux partir en novembre prochain, donc novembre 2018. Je sais, je vais manger pas mal moins dans des restaurants dans la prochaine année pour pouvoir justement me payer ce voyage-là. J'aime ça. Donc, on voit les choses un petit peu différemment avec ce temps-là. Les craintes, vos petites craintes, vos petites peurs... Les petits soucis de la vie, elles vont s'effacer. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Bien, le voyage, c'est totalement magique pour l'anxiété. Pour certaines personnes, quand on est très, très anxieux, le moment où on va partir en avion, ça peut avoir fait une légère petite crise, sachez-le. Par contre, lorsque vous allez arriver là-bas, si on prend le moment de justement s'ancrer les deux pieds, se dire qu'on est là pour la bonne chose qui est de peut-être connaître, essayer de se reconnaître ou tout simplement découvrir d'autres choses, bien, pour certains, ça fait peur, mais l'anxiété va commencer à s'en aller petit à petit et vous allez peut-être devenir un mordu du voyage. Je veux pas dire que le voyage, c'est fait pour tout le monde, OK? Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont homesick, comme ouais. tu le disais tout à l'heure. C'est même leur petit confort douillet. Le mal du pays, ouais. avoir le mal du pays. Il y en a. Il y en a que le voyage, ça leur fait pas. Ils sont bien dans leur maison, dans leurs quatre saisons habituelles. Ça se peut. Je suis vraiment pas en train de dire que tout le monde devrait partir en voyage. Mais si vous avez la chance, une fois dans votre vie, de partir en voyage et de justement remettre tout en question, pas nécessairement vos grandes questions de la vie, là, ça peut être un voyage complètement libre de choix, par exemple, 4 journées, mais si vous vous dites, je pars en voyage un minimum de 2 semaines, c'est souvent le voyage qui va changer beaucoup de choses dans la façon dont vous voyez les choses. Et souvent, c'est ce que les voyageurs vont rechercher. Par la suite, un autre bienfait du voyage, c'est le masteriser l'art du packing. Donc, ça va devenir un maître de faire ses valises. Ah, d'accord. Donc, si vous avez fait 1 ou 2 voyages, bien, vous allez déjà développer des tas de trucs pratiques pour justement paqueter soit votre sac à dos ou votre valise. Si on décide de voyager léger, bien, vous allez déjà avoir quelques trucs. Et à force de pratique aussi, vous allez devenir une espèce de pro dans l'art de paqueter ses valises. Si vous amenez un de vos amis ou une de vos amies qui n'a jamais voyagé, les trucs vont se transférer d'une ouais, personne à l'autre. Parce que tout le monde veut apporter son séchoir, son ci, son ci, son ça. Exactement. Ça rentre pas tout le temps. Si vous êtes deux dans la même chambre, puis il y en a un des deux qui amène son séchoir à cheveux, je pense que c'est pas mal déjà ouais. un bon compromis. Pas obligé d'amener 42 bouteilles de shampoing non plus. Je dis ça, puis... des fois, ça peut être compliqué, mais bon. Chacun ses vices. Exactement. Et comme je l'ai dit tout à l'heure... Bien, ça va peut-être vous permettre de vous redécouvrir vous-même et de recroire en vos capacités. Parfois, tout à l'heure, on a parlé d'anxiété. Mm-hmm. On va parler peut-être du temps Mossad, justement, du Québec. C'est le temps où les gens vont se remettre en question. Les gens vont devenir un petit peu plus dépressifs ouais. en termes de température et tout ce qui arrive dans leur vie. Donc, si on décide de partir à ce temps-ci de l'année, bien souvent, justement, on va avoir le temps de faire le point un petit peu sur ce qu'on veut. Ce qu'on cherche. Et à notre retour, bien, ce sentiment-là qui est incroyable va pas nécessairement s'arrêter. Il va être là encore pendant un bon moment. Vous allez vivre sur votre trip du voyage pendant encore un bon temps. Donc, après avoir exploré, vous allez bien évidemment faire des choses que vous avez peut-être jamais pensé faire en voyage. Donc, ça va de soi que vous allez redécouvrir une nouvelle personnalité en vous. Vous allez peut-être même vous poser des questions. Est-ce que j'ai vraiment le goût de faire ça dans ma vie, de rester à travailler là en revenant de voyage. Ouais. Donc, vous allez peut-être... Peut-être même tes relations en question. Peut-être même vos relations ouais. en question. Vous allez peut-être découvrir une personnalité de vous qui va être complètement différente. Vous allez peut-être découvrir en voyage que vous êtes complètement fonceur. Chose que vous ne croyez pas dans la vie de tous les jours parce que vous êtes confortable dans votre routine. Vous n'aviez pas eu à le faire nécessairement alors que là, et des fois, tu n'as pas le choix. C'est ça, exactement. Vous n'aviez pas eu à monter une montagne pendant 3 heures. Peut-être que là, en voyage, vous allez devoir le faire. Donc, après avoir réalisé autant de choses, ça se peut que finalement, vous ayez confiance en vos capacités et lorsque vous allez revenir de voyage, vous allez avoir beaucoup plus confiance en vous. À ce temps-ci de l'année, il y en a qui trippent justement sur la neige. Il y en a qui trippent aussi à voyager pour voir de la neige. OK, il y a déjà de la neige ici, mais tu veux plus de neige encore. Ben oui. Okay. Ou tout simplement, durant le temps de l'été, on se dit souvent que les gens ne vont pas partir en voyage durant l'été. Mais si vous trippez sur la neige, peut-être que ouais. vous voulez aller ailleurs où il y a de la neige pendant qu'ici, il n'y en a pas. Je vous ai trouvé les endroits, parce qu'on s'approche de Noël considérablement. Mm-hmm. Donc, j'ai trouvé les endroits sur la planète qui ressemble le plus au pôle Nord. Ah, que c'est beau, ça. Ou au village du Père Noël. Là, tu parles de présentement ou l'été, là? N'importe quand. Okay. N'importe quand. Parce qu'on sait, dans l'autre hémisphère, l'hiver, c'était... c'est passé. Là, c'est ce qui commence, c'est l'été. C'est ça. Donc, le premier, bien, c'est en Finlande. Ça s'appelle Napapiri. C'est à Naplen. c'est vraiment le village du Père Noël. L'esprit est là à l'année longue. Et si on décide d'aller y faire un tour, bien, il faut absolument passer par le bureau du Père Noël. Tout est basé autour du voyage du Père Noël. Tu t'appelles sa secrétaire pour prendre rendez-vous avant? Non, non, tu peux juste passer en termes de touriste. Et apparemment, c'est incroyable. Sinon, bien, l'Alaska, souvent, le pôle Nord, hein, je pense que c'est une des places que les gens connaissent le plus pour se dire que c'est semblable à ce qu'on se fait de l'image du village du Père Noël. Ouais. Donc, l'Alaska, moi, en tout cas, si tu me donnais une opportunité d'aller en Alaska, je pense que j'irais, Mathieu, tout simplement pour le dépaysement qui doit être incroyable. Ouais, tu irais pas le longtemps, peut-être. Non, c'est ça. il faut... Aller-retour. C'est ça, hein. Mais quand même... Je pense que ça parle de lui-même, là. L'Alaska, le Pôle Nord, Datit, hein, c'est pas mal là où vous voulez aller si vous êtes un tripeux de Noël et si vous êtes un tripeux de Père Noël à l'année longue. Par contre, j'en ai d'autres. Du côté des États-Unis, du côté de Washington, c'est pas à l'année longue, sachez-le, de ce côté-là, mais à Leavenworth, apparemment que c'est incroyable. Quelques mois avant les fêtes, là, on a déjà la frénésie qui se met à travers le village. C'est incroyable. Il y a des films de Noël qui ont déjà été filmés là. Ah ouais. C'est beau, ça a pas de bon sens. C'est des montagnes? Est-ce que ça ressemble à quoi? Non, c'est vraiment comme un village tout illuminé. Les gens sont très, très accueillants. Ouais. Chose qu'on pense pas tout le temps des Américains. mais si vous avez la chance de pouvoir y aller à ce temps-ci de l'année, vous allez voir, vous allez vivre une expérience incroyable. Les gens sont accueillants, les gens sont dans l'esprit des fêtes. On vous fait vivre un petit peu cette idée-là que vous êtes dans un village du Père Noël tout le long de votre voyage. Alors, c'est incroyable si vous êtes tripeux de neige comme ça. Et un endroit que je veux moi-même visiter, c'est en Suisse. Ooh. Ça s'appelle Winter Wonderland. Non. Ce sera pas long, faut juste que je le retrouve parce que c'est assez difficile à dire comme nom. En fait, c'est un petit village du côté de la Suisse où il y a beaucoup, beaucoup de montagnes. On peut y aller l'été, mais sachez que, bon, l'été, vous n'aurez pas nécessairement le petit côté charmant de cette pensée de Noël. Mais si vous allez en Suisse, dans le temps où il va faire froid, dans le temps où il va justement y avoir de la neige, bien, sachez que le Grinch, il y a des images du Grinch qui ont été filmées là. Celui avec Jim Carrey. Oui, il y a des images d'Harry Potter qui ont été filmées là. C'est incroyable. J'ai fait la promesse cette fin de semaine à ma mère, parce que ma mère est une tripeuse de Noël. Ouais. Incroyable. Ça vient de là. Hein, je lui ai promis qu'un jour, j'allais avoir l'argent pour l'amener là-bas. C'est magnifique. Mais imagine aller manger une fondue au fromage en Suisse. Comment ça doit être bon? Les paysages sont à couper le souffle. Lorsqu'on parle de ce petit village-là du côté de la Suisse, c'est incroyable, c'est merveilleux. Et si vous êtes quelqu'un qui tripe sur le ski, bien c'est sûr que vous avez des pentes phénoménales pour aller de ce côté-là. Juste la Suisse en tant que telle, pendant l'hiver, peu importe le village où vous allez aller, ça vaut la peine. Si vous voulez avoir une idée du village où justement le Grinch et Harry Potter ont été filmés à certains endroits, bien, vous pouvez faire ce petit voyage-là d'une ville à l'autre en Suisse. C'est pas quelque chose qui est complètement refusé ou qui va être mal vu. Au contraire, visitez, voyagez. Et si vous tripez sur la neige, vraiment, là, je pense que... La Suisse, autant d'hiver, c'est un incontournable. Ah. Je pense que ça vaut la peine pour tous les tripeux de Père Noël et les tripeux de neige. Wow. Voilà. Ça fait rêver. Hein? Oui, on aime ça. Wow. Tout à fait. Merci, Tania Baudin. Ça fait plaisir. Extraordinaire suggestion aujourd'hui, j'aime ça. Tout à l'heure, j'ai appris pendant ta chronique, malheureusement, que Xavier McLeish ne sera pas avec nous. Oh non! Non, il est à une station-service en ce moment. La route est vraiment mauvaise. Les conditions météo sont pas super cool à Québec, donc il ne pourra pas être avec nous. D'habitude, il se fait sauver par le lutin Alfalfa. Mm-hmm. J'entends dire qu'il pourra pas lui non plus. Oh non. Je pense que les conditions sont mauvaises partout. Ouais, c'est ça, sont mauvaises partout. Faites attention, hein. C'est très glissant sur les routes en Mauricie, là, ouais. À Trois-Rivières. Il n'y a pas eu grand sel de déposer pendant la nuit, alors... Non. On ménage ça. Exact. On laisse ça pour les frites du McDo. Tout à fait. On prend une pause et on revient avec plus d'assemblage requis. Mm-hmm. Mm-hmm. Retour dans l'émission matinale, assemblage requis, émission en pièces détachées. Bon, Mathieu, ben c'est comme ça. Les affaires vont pas ensemble, mais ça fait un bon petit tout quand même. Ben oui, tout à fait. Tania Baudin. Mathieu Plante. Ben oui. Aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, on n'aura pas Xavier Cliche. Par contre, il nous a envoyé quelques petites photos d'une station-service où il est pour nous parler. Parce que, tu sais, je disais, est-ce qu'on peut faire la chronique par téléphone? Il dit, non, je me concentre sur la route, je me rends à Trois-Rivières pour mon cours, quelque chose comme ça. Il m'a envoyé une photo de l'endroit où il se trouve. Et c'est une station-service, mais sans aucun nom. Regarde-moi ça. Regarde la photo. Tu sais, c'est comme un petit peu le dépanneur du coin, là, celui qui a comme des cigarettes, là, sur ces pompes à essence. C'est bizarre un peu. C'est un peu bizarre. D'après moi, je sais pas si ils sont en train de fermer ou quoi. Ah, peut-être. Ou d'être converti en une autre marque. Mm-hmm. Je pense qu'il y a des dépanneurs du coin qui sont devenus des couche-tard. Ah, ça se peut. Bref, on va suivre le dossier. Hein? Sûrement que Xavier McLeish va passer par là à chaque fois qu'il revient de Québec pour venir à Trois-Rivières. Bref, on lui souhaite de la bonne route. Mm-hmm. On lui souhaite de se faire rendre attention. Avec succès, c'est ça. Mais on va continuer tantôt avec d'autres chroniques maison. On va faire du instruction à l'assemblage tout à l'heure, mais avant ça, on s'en va voir les garçons qui sont pas les bons. Que Julie choisit. Donc, Julie and the Wrong Guys. Voici Love and Leaving. À son âge, Rocky. Au 89 FM. C'est fou. Trying to learn down. Julie and the Rondides. Guys, oui, guys. Love and Leaving. Assemblage requis. Pas dur à dire pour faire Wrong Guys. Non, non, non. Ouais, quand même. Wrong Guys. Wrong Guys. Faut t'ouvrir ta bouche, Mathieu. C'est ça. Merci de me dire de prononcer. Écoute, ça fait encore une référence à Occupation Double là, en ce moment. Ah! As-tu vu ça? As-tu vu la vidéo passée? Là? Laquelle? Genre, je get over it, mais tu get pas over it. Oh mon Dieu. Ah, que ça parle mal, ça n'a aucun sens. Bref. Tout ça pour dire que c'est le moment de parler des choses qu'on aime, parce que ça, c'est quelque chose qu'on n'aime pas. Voici Tu manges mon cœur. Mon cœur, oui, la chronique des coups de cœur des co-animateurs d'Assemblage requis. Et pendant qu'on en parlait, il faut quand même que je te fasse entendre. J'ai pas le choix, là. Ouais. Je sais que c'est super mainstream people, mais ça me tente, ça va me faire rire. Mon Dieu. Écoute, ça, juste l'extrait, ça va être bien. Ok. J'écoute. En haut, une fois. Je suis pas bien, là, avec ça. Genre, j'ai pas filé de la semaine, là. Je file pas bien. C'est pas juste par rapport à toi, puis moi. Faut pas être blessant, là. Moi, ça a été super bien cette semaine. Okay. Depuis la journée de la danse. Hein. Peut-être parce que je care plus. Je care plus. Tu care plus. Peut-être parce que j'étais tanné de tout ça. Puis là, au moment où est-ce puis que. Là. Ouais, mais là, j'ai plus de feeling. Oh là. Oh là. Oh là, oh là, j'étais oh comme... là, là. Non. Là, tu me dis pas ça. You're gonna die. Toi pis moi, depuis le début que comme on a quelque chose, pis que là, rendu qu'il y a comme la première grosse affaire comme intense. Ben, hey, mets donc un comme de plus. Ouais, comme genre. Tu me dis que t'as plus de sentiments, je fais comme tes sentiments c'était de la merde. Je le savais que t'étais quelqu'un de même. Joanie, comment? Tombe vite! Get over it with vite. Non, Je savais que t'étais quelqu'un de même. Joanie, comment? Tombe vite. Get over it with vite. Non. Tellement ça. Non, je suis revenu avec mes ex. Toutes mes ex, je suis revenu avec eux après d'avoir laissé. Non, je get pas over it vite. Parce que moi, la seule chose que j'ai envie dans la vie quand j'ai un breakdown dans ma vie, breakdown. C'est d'être avec la personne que j'aime. Puis d'avoir cette personne-là comme ressource. Clairement, pour toi, c'était pas ça. C'est fini pour moi dans les c'est films. C'est l'histoire que du j'ai hate watching, ça, ouais. Je trouve. T'sais, parce que j'en regarderai jamais ça, sauf pour en rire. T'sais. Ben, c'est ça l'affaire. C'est que c'est addictif tellement ouais. Tu veux les. Et en rire. C'est de la télé de gros niveau. Oui. Gros calibre. Vraiment, là. Ah, ils ont du beau vocabulaire. Oui, bref. V pour vocabulaire. On était dans Tu manges mon cœur. On salue Julie Snyder. Oui, salut Julie. Donc, Tania, de quoi tu nous parles dans ta chronique, dans notre chronique commune Tu manges mon cœur? J'ai deux choses dont je veux vous présenter. T'es en train de faire le signe de V en plus. Je suis désolée. Non, c'est la voix, voilà. La voix, excuse-moi. La première, en fait, c'est une entreprise de Victoriaville. Vous allez voir, c'est vraiment flyé. Je vous invite à aller faire un tour sur leur page Facebook ou du moins sur sa page Facebook parce qu'elle est pas mal tout seule. À faire ça. Ça s'appelle le Flambant Rose. Ah. Donc, pas Flamant Rose, mais bien Flambant Rose. Mobilier récupéré. C'est une nouvelle entreprise qui combine des passions pour la récupération, la décoration et le travail manuel. Donc, il y a beaucoup de meubles qui sont abandonnés, si on le sait, faute de temps ou d'idées un petit peu pour les ravigoter, mm-hmm. les ravigorer aussi. Donc, c'est là qu'elle entre en jeu. Elle déniche un peu partout, même dans des endroits vraiment très inusité, des petites merveilles pour meubler votre chez vous. Elle les refait, elle va les repeindre, elle leur donne une deuxième vie et c'est incroyable les créations qu'elle fait. Donc, je vous invite à aller voir sa page Facebook, je le répète, Flambant Rose mobilier récupéré. Il faut que tu ouvres la bouche, Tania. Ouais, je suis désolée. j'ai mal à la gorge ce matin. Donc, vous pouvez aussi aller la suivre sur Instagram. Vous allez trouver son compte en tapant Flambant Rose. C'est est magnifique, c'est beau. Et si jamais la pièce que vous vouliez, elle était vendue, vous pouvez tout simplement laisser comme commentaire « Ah, c'est-tu plate, j'aurais aimé ça en avoir une comme ça. » Et elle va peut-être essayer d'en retrouver une autre. Ouais. Et c'est très, très, très facile de communiquer avec elle. Sachez-le, si vous avez des demandes spéciales ou quoi que ce soit, c'est fou. C'est fou, c'est très beau ce qu'elle fait. Je l'ai connue grâce à un petit reportage de Radio-Canada qui a été mis sur, sur Internet ce matin. Alors, sachez-le, vous pouvez aller voir un petit peu plus qui est cette fille aussi en allant visiter la page de Radio-Canada Mauricie et Centre du Québec. Ça se passe du côté de Victoriaville et elle est ouverte sur rendez-vous. Donc, si jamais vous voulez aller chercher quelque chose que vous achetez, bien, vous devez communiquer avec elle. Mais, oh, de toute beauté. Moi, ouais, j'ai vu les avant-après, c'est vraiment magnifique. C'est très beau. Il y a des fois où elle ne met pas les avant. Il faudrait qu'elle mette tout le temps. Oui, c'est ça l'affaire. C'est vraiment du beau travail. Merci, Tania. Fait plaisir. Avant de passer à ta petite chanson, là, je veux dire, m'en reviens-en. With ouais. Non. Get over it. Non, je suis revenu avec mes ex. On écoute ta chanson. C'est NF, If You Want Love. Puis mon coup de cœur après. Ouais. Je vous explique pourquoi je l'adore après. Ah, OK. Ça a besoin d'explication. Oui. I just need some time, I'm trying to think straight. I just need a moment in my own space. Ask me how I'm doing, I say okay, yeah. But ain't that what we all say? Sometimes I think back to the old days. In the pointless conversations with the old me, yeah. Back when my mama used to hold me. I wish somebody would've told me. If you want love, you gon' have to go through the pain. If you want love, you gon' have to learn how to change. If you want trust, you gon' have to give some away. If you want love, if you want love, yeah. As a kid, I used to think life was moving so slow, I'd watch it go by. Look out the window of my bus ride. I thought the world was so small through my closed eyes. I've always tried to control things. In the end, that's what controls me. Maybe that's why I'm controlling. I wish somebody would've told me. If you want love, you gon' have to go through the pain. If you want love, you gon' have to learn how to change. If you want trust, you gon' have to give some away. If you want love, if you want love. No, the older I get, I feel like I'm always trying to save time. Talking to the voices in my head that make me think twice. Telling me it doesn't mean it's wrong because it feels right. I'm scared that one day I'll wake up and wonder where the time go. Talk about the past like it's the present while I rock slow. I'll sit in the living room and laugh with kids of my own and tell them. If you want love, you gon' have to go through the pain. I wish you would've told me. If you want love, you gon' have to learn how to change. I wish somebody would've told me. If you want trust, some away, you gon' have to give. If you want love, if you want love, if you want love, if you want love. Nate Firestein, ou NF, comme nom d'artiste. Eh bien, c'est, vous l'avez entendu, c'est un rappeur du Michigan et j'adore son travail pour les paroles qu'on retrouve dans les pièces. C'est le troisième album qu'ils viennent de sortir. Ça s'appelle Perception. Mais il y a trois autres, il y a deux autres albums avant ça. Il y a Therapy Session et le premier m'échappe malheureusement parce que c'était un EP, donc c'était pas très très gros. Ouais. Mais il a performé en tant que hip-hop alternative artist of the year plusieurs fois à travers le monde. Il a ouvert des tournées pour plusieurs artistes comme, si je me souviens bien, c'est Eminem aussi, il a fait sa tournée. C'est brut, il y a de l'énergie, c'est excellent, il y a de l'émotion. Je vous invite à aller découvrir tout le reste de ses chansons, c'est merveilleux. On parle en fait d'épreuves qui sont très difficiles, mais qui sont très, très vraies. Et il ne se cache pas des problèmes qu'il a eus, des thérapies qu'il a dû suivre étant plus jeune à cause de problèmes familiaux, à cause de problèmes de drogue aussi. Mais il n'y a pas juste ça non plus. Il y a tout ce qui est sorti de sa thérapie qu'on peut entendre dans Perception, qui est complètement différent du deuxième album. Je vous dirais que Therapy Session, c'est un petit peu plus agressif, tandis que celle-ci, c'est un petit peu plus calme, beaucoup plus pensé, okay. Beaucoup plus vrai dans les textes. Je veux pas dire que Therapy Session, c'est pas vrai, mais pas du tout. Mais Therapy Session, c'est sorti en même temps qu'il rentrait en thérapie. Donc, c'est vraiment de l'agressivité par rapport à tout ce qui se passe dans sa vie. Les paroles sont vraies quand même, mais j'ai vraiment un faible pour le dernier album qui est Perception. Donc, allez écouter ça. Une fois que le méchant est sorti, maintenant, on peut être un petit peu plus... C'est ça. Terre à terre. Exactement. Magnifique. NF, merci Tania. Fait plaisir. Si tu manges mon cœur ou on partage nos coups de cœur. Et moi, ben, Caroline, j'y vais dans le classique aujourd'hui. Hein. Ça fait quelques semaines que je joue à ça et en fin de semaine, j'ai joué comme jamais auparavant Super Mario Odyssey sur la Nintendo Switch. Donc, c'est de ça que je parle un petit peu aujourd'hui. Le jeu qui est sorti depuis le 27 octobre, donc ça fait même pas trois semaines. Et je viens de terminer de faire le tour du premier tour parce que tu sais que les jeux de Mario depuis les dernières années, mm-hmm. le tour n'est pas vraiment le tour. Il y a une autre fin alternative quand tu finis par accumuler plus de trucs. Donc, c'est le 18e titre dans la série Super Mario. C'est le 7e titre 3D de Mario. Donc, c'est ça, c'est dans la même lignée que les Mario 64 et Mario Sunshine. Sauf que ça ressemble un petit peu plus au vrai monde, et c'est ce que j'aime beaucoup de ce jeu-là. Vous avez peut-être vu dans la bande-annonce du jeu Mario Odyssey la ville de New Donk City, qui est faite pour ressembler à une grande ville, ce qui est vraiment un tableau, un monde absolument exceptionnel. Il y en a d'autres qui sont basés sur, évidemment, les classiques, le désert, la glace, la forêt... des trucs comme ça, jusqu'à ce que tu te rendes sur la Lune. Mm-hmm. Donc, c'est le but du jeu, de se rendre sur la Lune. Et ton vaisseau prend de l'ampleur, prend de la force avec le temps quand tu récupères des lunes de puissance. Ce que j'ai dit déjà au Mathieu Planchot, c'est qu'il y a beaucoup de lunes qui sont très, très faciles à prendre. Des fois, elles peuvent même pas être cachées. Elles sont juste genre sur le toit d'une maison, sur un arbre. Il y a une lune à prendre là. C'est fait pour les nouveaux joueurs, pour pouvoir commencer à accomplir quelque chose dans le jeu. Et plus tu avances, plus les lunes sont difficiles à trouver. J'ai pas trouvé que c'était un jeu, même pour une personne qui joue beaucoup à Mario depuis des décennies, c'est pas un jeu qui est difficile en général avant de te rendre à la deuxième fin. Dans le fond, quand tu te rends à la première fin, tu fais comme « Ok, je suis déjà rendu. Bat Bowser, etc. » C'est peut-être le plus difficile que j'ai... Le plus de difficultés que j'ai eu dans le jeu, c'était de battre Bowser, donc la difficulté arrivait à la toute fin du jeu. Mais le plaisir de la chose n'est pas moindre parce que c'est facile par moment. Il y a des trucs vraiment intelligents, des trucs qui te surprennent une fois de temps en temps, même assez régulièrement. La mécanique du jeu est basée sur le chapeau Capi. Donc, tu lances ton chapeau pour incarner différents personnages. Ah, tu peux incarner un Goomba, tu peux incarner une boule de feu, n'importe quoi comme ça, une petite chenille. C'est ce qui est le fun aussi, c'est les nouveautés dans les personnages, dans les ennemis du jeu. Des ennemis qu'on n'a pas vus dans d'autres Mario. Je dirais quasiment la plupart sont des nouveaux ennemis dans ce jeu-là. Donc, c'est vraiment cool. J'aime aussi la grandeur des mondes. Tu penses que le monde a une certaine grandeur, mais après ça, tu te rends compte qu'il y a un petit coin que tu peux faire éclater la brique ou je sais pas trop quoi, qui te ramène vers une nouvelle expansion de ce monde-là. J'aime aussi que tu peux, quand tu arrives à des drapeaux de mi-tableau, que tu peux revenir facilement à ces drapeaux-là. Comparé à d'autres jeux de Mario, il fallait que tu marches ou que tu cours jusqu'à un autre endroit. Tu peux te téléporter, étant donné que les mondes sont tellement énormes. J'aime l'aspect... de tout ce qui s'ajoute quand le jeu se termine. Donc, quand j'ai dit tantôt que le jeu était plutôt facile en début, une fois que tu bats Bowser, je dirais pas les spoilers là, mais il se passe quelque chose où t'as beaucoup plus de trucs à trouver. Les mondes restent de la même grandeur, mais tout devient comme rempli de choses à faire, que ce soit des courses contre Coupa la Tortue, que ce soit de récupérer des nouvelles lunes de certaines façons. Donc, pour vrai, j'aime vraiment beaucoup le principe du jeu, j'aime l'exécution du jeu, j'aime la beauté du jeu, même si c'est pas le jeu le plus joli que j'ai vu, de Mario en général. Peut-être que c'est... Les graphiques sont beaux, mais sont pas parfaits, je trouve. Mm-hmm. On dirait que je m'attendais à plus beau encore, mais bon, la Switch, j'imagine, avec le temps, va avoir des jeux encore plus bien faits. Évidemment, les jeux de Mario sortent souvent au début de la génération, donc la technologie a le temps de s'améliorer plus le temps avance. Mais bref, je recommande énormément l'achat d'une Switch pour Mario Odyssey, même si la Switch, au départ, est assez chère. Le jeu en vaut, pour moi, la peine, même juste pour ce seul unique jeu-là. Mais il y en a d'autres qui vont venir. Ben oui, c'est sûr. Je pourrais en parler pendant vraiment très, très, très longtemps de ce jeu-là. Je vais vous laisser aller visiter la page de MarioWiki.com qui vous parle des détails du jeu par rapport à l'histoire, au gameplay, aux personnages, au but du jeu. Il y a vraiment plein de choses à savoir là-dessus, beaucoup plus que sur la page Wikipédia normale. Donc, MarioWiki.com, Super Mario Odyssey. C'est de la lecture, pour moi, ça, qui me fascine toujours. Et comme j'ai envie d'entendre une pièce du jeu, je vais choisir une qu'on a fait moins jouer. Je l'ai fait jouer seulement une fois au Mathieu Plancheau. Donc c'est la chanson de fermeture. Donc voici Pauline et les Super Mario Players avec la pièce de fermeture du jeu. Vraiment cool. Si tu manges mon cœur, assemble la broquille. So what if we live in a walled garden? As long as I've got you, then Pauline and the Super Mario Players avec la chanson tête de fermeture de Mario Odyssey. Super Mario Odyssey sur la Nintendo Switch. C'est bon, Mathieu. Ah, je le sais, c'est tellement bon. J'aime ça. Je redeviens garçon en jouant à Mario Odyssey. C'est ça qui est le fun. C'est un jeu. Les critiques disent que c'est un jeu pour les nostalgiques. En même temps, pas tant. Il y a de la nostalgie dedans par moment, mais c'est vraiment un jeu pour tous. Mm-hmm. C'est fun. Très imaginatif, voilà. C'était Super Mario Odyssey pour moi dans la collecte Tu manges mon cœur. Et on rappelle le tien Flambant Rose. Oui, exactement. Flambant Rose et NF. Avec If You Want Love. Et voilà. Il reste une troisième heure. Dans quelques minutes, on va faire les instructions d'assemblage. Restez là. Pour l'écouter. 89.1. Assemblage de qui? Pour toi aujourd'hui. Assemblage de qui? Oui. Assemblage de qui? Pour toi aujourd'hui. C'est la troisième heure d'assemblage requis en ce lundi 20 novembre 2017. Elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Mmh, je l'ai dit tantôt, on va faire les instructions d'assemblage dans quelques minutes. Mais avant ça, étant donné que j'ai parlé de jeux vidéo dans Tu manges mon cœur, je pense qu'on va se continuer un petit peu son foutu palmarès avec une thématique jeux vidéo dans quelques instants. Mais avant ça, on écoute Destroyer. Voici Tinsel Town, Swimming in Blood. Assemblage requis. C'est lugubre un peu, tout ça. Bon appétit. Swimming in blood, tinsel ribbons dancing in the rain, flowers on the skyline. Hey, how is it? Why? What comes round's going round again. Towers coming up forever. That's alright for now. It was just a dream of your blue eyes. I couldn't see, I was blind. Off in the corner doing poet's work. That's alright for now. It was just a dream of your blue eyes. Tinsel town dripping in blood. Women dancing in the wind. Dead flowers on the skyline. Hey, how is the wine, baby? What comes round's going round again. Now let me tell you about the dream. I had no feeling. I had no past. I was the artist. I was the vast spaces without reprieve. I was a dreamer, watch me be. I was a dreamer, watch me be. Tinseltown Swimming in Blood par la band Destroyer à Assemblage Requis. Un peu de trompette, c'est quoi ça que ça sonne là? Ouais, ouais, ouais. J'aime bien ça. Notre imitateur préféré de. C'est qui, David Bowie ou Morrissey ou quelque chose. Bref, Destroyer. Maintenant, on va retourner un petit peu plus tôt dans l'émission, Flashback. Oui. On était au début de l'émission dans son petit palmarès. Et comme on a parlé de jeux vidéo dans Tu manges mon cœur, ça m'a donné envie d'y retourner. Parce que je me rappelais avoir quelque chose par rapport aux jeux vidéo, donc voici son foutu palmarès. On est allé une liste sur un sujet plus ou moins précis. On a une thématique jeu aujourd'hui, donc continuons avec les jeux vidéo dans ce cas-ci. On connaît tous Mario et Sonic. Ben oui. Dans les années 90, bien sûr, c'était les mascottes de leurs compagnies respectives, Nintendo et Sega. Ben, on dirait dans les années 90 que pas mal toutes les compagnies de jeux vidéo voulaient avoir une mascotte aimable, adorable, pour donner à leur marque une identité unique. Hein? Oh. Certaines fois, par contre, les mascottes n'étaient pas super mémorables. Ah, d'accord. Il y en a des fois. Il y en a des bonnes, des mascottes. On connaît Megaman de Capcom, Pac-Man chez Namco, mais il y en a d'autres qui sont moins connues. Par exemple, Rocky Rodent. OK. En 1993, le développeur de jeux vidéo japonais Irem Software Engineering a créé Rocky Rodent. Donc, c'est un rongeur anthropomorphisé. Donc, c'est-à-dire un rongeur, mais avec des, qui a l'air d'un humain, avec des bras et des jambes de grandeur humaine, avec une attitude et des cheveux rouges en pointe, en crête. En fait, ça ressemblait plus à un coq que d'autres choses, ces cheveux. Donc, cette supposée mascotte devait sauver la fille d'un propriétaire de restaurant nommé Pie Face Balboa de la mafia. Et comme récompense, Rocky Rodent avait droit d'aller manger dans un buffet tout inclus. Bien sûr, un ben buffet oui, à volonté. Ben oui. Un incontournable. Son arme de choix, c'était une canette de spray pour les cheveux qu'il pouvait utiliser pour, bien sûr, se faire sa crinière et pour battre les méchants. Ensuite, Awesome Possum. Faut tout le temps que ça, qu'il y ait une petite rime, quelque chose, c'est Rocky Rodent, on voit l'allitération, on a Awesome Possum, ça fait juste rimer. Donc c'est la compagnie Tengen qui a créé un rival pour Sonic en sortant Awesome Possum Kicks Dr. Machino's Butt pour la Sega Genesis en 1993. Le jeu avait donc ce très cool et badass Awesome Possum qui ramassait des bouteilles vides et des canettes à la place d'avoir des pièces de monnaie et des anneaux en or comme Mario et Sonic pour essayer de nettoyer la forêt. C'était un jeu éducatif pour les enfants avec une petite thématique environnementaliste. Mais ça n'a jamais vraiment été populaire malgré les critiques positives. Peut-être que les enfants des années 90 ne voulaient pas en apprendre plus sur le recyclage en jouant à des jeux vidéo. Ça arrive des fois, tu sais, quand tu te fais faire la morale. Surtout que le logo de Awesome Possum, c'était les flèches du recyclage. Tu sais, les flèches là, en triangle. Mm-hmm. Ça paraît, tu sais. C'est le même symbole que sur ta corbeille à recycler. Pas sûr. Ensuite, un qui peut-être est un petit peu plus connu, mais pas tant, c'est Croc. Legend of the Gobos, donc à l'origine développé pour le Super Nintendo, Croc Legend of the Gobos a été créé comme jeu de plateforme 3D mettant en vedette Yoshi. Oui, Yoshi de Super Mario World. Par contre, Nintendo a rejeté le jeu, donc les développeurs chez Argonaut Games ont changé Yoshi d'un dinosaure adorable en un crocodile adorable nommé Croc, qui essayait de sauver des créatures poilues du méchant Baron Dante. Argonaut a ensuite essayé de donner cette mascotte-là ou la vendre à Sony, qui aimait beaucoup le gameplay du jeu. Et ils ont sorti ce jeu-là pour la PlayStation, la première du nom, en 1997. Ensuite, Ristar. Sorti en 1995, Ristar a été développé à la fin de la vie de la Genesis par Sonic Team, donc la même compagnie de production que Sonic the Hedgehog. La mascotte, c'était une jolie petite étoile qui avait la capacité de s'étirer les bras ou les pointes, si on veut, dans différentes directions pour grimper, se faire aller, le swinger et attraper des ennemis en explorant plusieurs planètes. Le personnage et le jeu sont sortis juste avant que Sega sorte sa Saturn 32 bits. Donc la mascotte n'a jamais vraiment eu de popularité parce qu'il était sur la génération précédente. Rystar a réussi quand même à avoir pas mal de fans. Disons que les gens ont développé un culte autour de Rystar, surtout pour sa mécanique de jeu. Le jeu est apparemment très très bien exécuté dans sa façon de manipuler le personnage et la création des tableaux. Et le personnage a fait des apparitions surprises dans d'autres jeux de Sega depuis, entre autres Shenmue, Sega Gaga et Sonic & Sega All-Stars Racing. Donc c'est Rystar, le nom de la mascotte. Ensuite, Gex. C'est en 1994, la console 3DO Interactive Multiplayer. Ça fait un bout de temps, je me rappelle d'avoir vu la 3DO, mais je me rappelle pas d'avoir rencontré quelqu'un qui y avait déjà joué. Bref, c'est sorti avec la promesse de jeux vidéo très luxueux, très haut de gamme, 32 bits, pour compétitionner avec les machines déjà établies comme la Nintendo 64 et la Sega Saturn. 3DO avait besoin d'une mascotte cool comme Mario et Sonic pour amener un petit peu d'attention à leur système et ils ont amené Gex. Sorti en 95, Gex mettait en vedette un gecko qui faisait des blagues. Donc c'était quand même... un nouvel animal comme mascotte à l'époque, avec une petite attitude encore une fois, et il aimait beaucoup regarder la télé, ce Gex. Le jeu suivait Gex alors qu'il essayait de trouver des télécommandes, donc des manettes de télé, cachées dans des niveaux avec des thématiques télé, avec le méchant empereur Rez sur son chemin. Bref, Gex a été acclamé par la critique et par les gens, par les fans, mais c'était pas assez pour amener la 3DO dans le mainstream à cause de la compétition qu'il y avait là-dessus. Donc la 3DO a été discontinuée 2 ans plus tard et Gex a été porté. Ensuite, on a fait un remake de Gex sur la Sony PlayStation et la Sega Saturn. Ensuite, celui-là, c'est le plus connu, je crois, de la liste. C'est Conker the Squirrel. Il y a beaucoup de gens qui aiment Conker the Squirrel. Ouais, c'est le petit écureuil très, très, comment dire, pas mal propre, mais très adulte. Ouais. Voilà. Donc, il est apparu pour la première fois dans Diddy Kong Racing sur Nintendo 64. J'ai bien de la misère à dire Nintendo 64, apparemment. bref, en 1997, Conker the Squirrel a reçu son propre jeu, donc un dérivé pour le Game Boy Color en 1999. Conker's Pocket Tales était un jeu très léger qui suivait les aventures de Conker, un petit écureuil qui devait sauver sa copine Barry du méchant Evil Acorn. En 2001, Rare a sorti Conker's Bad Fur Day, où les personnages passaient de mignons à des gens, des animaux qui buvaient et qui parlait mal, qui utilisait du langage pour adultes. Bref, le jeu a été refait en 2005 pour la Xbox sous le nom de Conker Live and Reloaded. Et plus tard, c'était dans Rare Replay, la compilation des meilleurs jeux de Rare pour la Xbox One en 2015. Ensuite, toujours dans la liste des mascottes oubliées de jeux vidéo, on parle de Bonk. OK. Bonk. Donc la NES et la Sega Genesis étaient deux systèmes au centre de la guerre des consoles à la fin des années 80 et début 90. La console TurboGrafx 16 de la compagnie NEC était une console modeste provenant du Japon où on l'appelait PC Engine avant de la renommer aux États-Unis pour TurboGrafx 16. Bref, la mascotte de la console était Bonk, un homme des cavernes préhistorique, donc un enfant dont l'attaque principale était de fesser sa tête. Oh boy, OK. Ouais, la mascotte et la série de jeux, en fait le premier jeu était Bonk's Adventure sorti en 90. Ont été assez populaires au Japon et en Europe, mais ça n'a pas vraiment eu de succès aux États-Unis, étant donné la popularité de Mario et de Sonic. Ensuite, on parle de Pocky et de Rocky. C'était une suite donc au jeu d'arcade japonais de 1986, Kiki Kai Kai, qui s'appelait... Est-ce que tu pourrais répéter? Kiki Kai Kai. Kiki Kai Kai. Ça s'appelait Night Boy en Amérique du Nord. Ah d'accord. T'sais, Kiki Kai Kai. Ben oui. Night Boy. Franchement. Bref, Pocky et Rocky ont été développés par la compagnie Natsumi pour la Super Nintendo en 1992. La suite suivait une jeune princesse nommée Pocky et son sidekick, son ami Rocky le Tanuki, qui essayait de sauver des petites créatures mignonnes nommées des Nopino Goblins dans un jeu d'aventure qu'on jouait par le dessus, un peu comme les premiers Grand Theft Auto, donc on suivait l'aventure du dessus. Pocky et Rocky ont reçu de bonnes critiques, et même qu'il y a eu une suite pour la Super Nintendo en 1994, mais les personnages ne sont jamais devenus des mascottes, malheureusement. Ensuite, Battletoads. J'ai dit tantôt que le plus connu, c'était quoi déjà l'autre? Voyons. Le plus connu tantôt. Bref, peu importe. Mais le prochain plus connu quand même, c'est Battletoads. Donc, c'est Tim et Chris Stamper de la compagnie Rare qui ont créé Battletoads. C'était un beat'em up, donc un jeu où tu frappes dans le tas, pour la NES, avec des crapauds musclés nommés Rash, Zitz et Pimple. Oui, oui, zit, c'est comme des boutons, là, puis pimple comme aussi des boutons, puis rash comme dans aussi des boutons, mais quand ça te pique à quelque part, parce que ben t'as, ouais, t'as des rougeurs. Bref, c'était les rivaux des Teenage Mutant Ninja Turtles des années 90. Battletoads est surtout connu pour son sa façon d'avoir placé les tableaux. C'est très très rapide, très très difficile. Les personnages donc qui sont appréciés dans ce jeu-là, et puis ça a mené à des dessins animés et des bandes dessinées. Ooh. Battletoads ont toujours été comparés aux Ninja Turtles, même s'ils n'ont pas été dans leur propre jeu vidéo depuis 1994, les Battletoads. Ensuite, je me rappelle avoir abordé le sujet avec Frédéric Simon il y a quelques semaines au Mathieu Plante Show. C'est Bubsy qui est de retour récemment dans un nouveau jeu. Mais à l'époque, en 93, un Bobcat avec une attitude nommée Bubsy était positionné comme supposé mascotte des jeux vidéo à côté de Mario et Sonic. Par contre, les jeux de Bubsy n'étaient pas aussi populaires qu'on aurait pensé. Même si c'était disponible pour Sega Genesis, Super Nintendo, PlayStation et Atari Jaguar, où éventuellement il a trouvé donc sa maison comme une des mascottes de la console Atari Jaguar. Ça n'a pas duré longtemps. Bubsy in Claws Encounters of the Third Kind, donc deux jeux de mots. Claws Encounter, ouais, comme des griffes, puis Third Kind, comme au lieu de Third Kind. Bref, ça suivait le Bobcat qui essayait donc de retrouver la plus grosse boule de laine. Bref, une suite est sortie en 94 exclusivement sur Atari Jaguar, nommée Bubsy in Fractured Fairy Tales, qui est sortie plus tard en 94. La série a duré pour un autre jeu avec la sortie de Bubsy 3D for Forbidden Planet pour la Sony PlayStation en 1996. C'est des jeux de mots qui ne fonctionnent que si tu les vois à l'écrit. Ensuite, toujours dans la liste des mascottes de jeux vidéo oubliés, parlons de Glover. Pas Danny Glover, pas Donald Glover. Juste mais non. Glover. Oui. En 98, Interactive Studios et Hasbro Interactive ont sorti un jeu de plateforme nommé Glover qui suivait les aventures d'un gant. D'un gant de main droite. Merveilleux. À quatre doigts. Pour la Nintendo 64, l'objectif du jeu était d'amener une balle jusqu'à la fin du tableau tout en essayant de résoudre des puzzles, éviter les ennemis et trouver des cristaux pour ramener le royaume des cristaux à la vie. La vie justement de Glover qui était attachée à cette balle-là, donc si la balle tombait de la plateforme, le gant mourait. Oh, d'accord. Drôle d'idée quand même, hein? On dit que c'était très avant-gardiste comme façon de faire. Ça aurait probablement mieux fonctionné sur une console avec détection des mouvements, comme la Nintendo ben Wii, ouais, ou sur les appareils portables, téléphones intelligents de nos jours. Donc, Glover a eu de pauvres ventes et de très mauvaises critiques, ce qui a mené à l'annulation de sa suite. Allez voir un extrait vidéo sur assemblagerequis.com si ça vous intéresse. Ça me fait penser un petit peu à Super Monkey Ball. Mm-hmm. C'est vrai. Ensuite, il en reste que quelques-uns. Alex Kidd, avant l'arrivée de Sonic, Sega avait une autre mascotte nommée Alex Kidd, un petit garçon avec de grosses oreilles qui vivait sur la planète Ares. Bref, Miracle World, sinon, comme on l'appelait. Les jeux ont commencé aux arcades. Ça s'est rendu jusqu'au Sega Master System. C'était un mélange de jeux de plateforme et de jeux de puzzle. Alex Kidd a eu 6 jeux pendant la fin des années 80 et début 90, mais ça n'a jamais réussi à rivaliser contre Nintendo et Mario. Sega avait besoin d'une autre mascotte pour représenter la compagnie, étant donné l'insuccès, si on veut. Ben, il y a eu du succès, mais pas autant qu'ils auraient espéré. Donc, les designers de jeux vidéo Yuji Naka, Naoto Oshima et Hirozaku Yasuhara ont créé Sonic the Hedgehog en 91. Sega a arrêté de faire des jeux d'Alex Kidd et a mis toutes ses ressources sur Sonic pour essayer de le rendre plus populaire que Mario. Par contre, Alex Kidd a quand même fait quelques apparitions dans des jeux comme Altered Beast, Sega Superstars Tennis et Sonic & Sega All-Stars Racing. Hmm. Ensuite, Titus the Fox, un renard créé par les développeurs de jeux vidéo français chez Titus Interactive. Titus the Fox to Marrakech and Back. En français, La gaffe, les aventures de Mokhtar. Ben ouais. Évidemment, aucun mot en commun avec... avec le jeu en anglais. Bref, c'est sorti pour l'Amiga et l'Atari ST, c'est des ordinateurs personnels en 1991. Le jeu vidéo suivait le renard titulaire en quête de sauver sa copine Susie. Il devait compléter 15 niveaux à travers le désert du Sahara en évitant des chiens, des travers de la construction et des abeilles géantes pour la sauver. Il y a eu un port sur Game Boy Color et sur Game Boy Normal plus tard dans les années 90. Ça a reçu de mauvaises critiques de la part des fans autant que des critiques et Titus Interactive a finalement fait faillite en 2005. Ah, oh, c'est triste. Le prochain fait partie des peut-être 3 plus connus de la liste, Banjo-Kazooie. Elle est apparue pour la première fois dans Diddy Kong Racing pour la Nintendo 64 en 97. Rare a sorti un spin-off, donc un dérivé, mettant en vedette l'ours nommé Banjo et l'oiseau Kazooie en 1998. Le jeu de plateforme en 3D où on résout encore une fois des puzzles, c'est souvent ça, plateforme puzzle, ça va ensemble. Bref, ça suit Banjo Kazooie qui essaie de s'échapper, d'empêcher Gruntilda, la méchante, oui, de voler la beauté de la sœur de Banjo. Oh. Oui, le jeu est bien aimé, surtout pour ses niveaux non linéaires, ses graphismes et le design sonore. Une suite nommée Banjo-Tooie est sortie sur Nintendo 64 en 2000. Et voilà. Ensuite, pour terminer en fait, le dernier, c'est Zero the Kamikaze Squirrel. Oh d'accord, d'accord. Un écureuil. Si je me rappelle bien, on a commencé avec un rongeur et là on finit avec un écureuil. Oui, c'est ça, c'est bien ça. Tout va vraiment bien. En 94, Iguana Entertainment et Sunsoft ont sorti Zero the Kamikaze Squirrel. C'était un dérivé de Arrow the Acrobat. Là où il apparaissait en tant que sidekick, donc l'ami de Aero l'acrobate comme dans Chauve-souris. Mm-hmm. La mission de Zero était d'empêcher un méchant bûcheron nommé Jacques le Sheets. Après qu'il ait kidnappé bien sûr la copine de Zero. Hein? Oh, quelle tristesse! Tristesse, tristesse. Il commence à défaire la forêt pour faire de l'argent. Bref. Le jeu a reçu des critiques assez favorables. Zero de Kamikaze Squirrel n'a jamais été populaire avec les gamers à cause de ses mauvais contrôles. Donc quand tu contrôles avec la manette là, et la perception que le personnage était en fait une copie pas mal de Sonic the Hedgehog. C'est pour ça que qu'on dit que ça n'a pas été très populaire. Donc c'était la liste des 15 mascottes de jeux vidéo oubliées des années 90 grâce à Mental Floss. Voilà pour son foutu palmarès. On se dédie une chanson à la, à la tempête de neige et au petit... en ce moment, c'est quoi? C'est juste la poudrerie du sol qui monte un petit peu dans les airs. Là. Bref, on peut pas dire que c'est une tempête. Non, pas vraiment. On peut écouter quand même la pièce Tempête. Hein, ben oui. De Bleu Nuit. À Assemblage requis. Une tempête à Assemblage requis, Tania Baudin. Mm-hmm. Mm-hmm. Bonjour, bonjour. Jason un peu. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce quelque chose passe? À nous dire, je pense. Ben possible? Non, mais il y a plein d'affaires qui se passent, là, Mathieu. Ben là, il faut que j'en sache plus, moi. Mais je sais, mais oui, tu sais, on parlait de neige tout à l'heure. Ouais. Mais est-ce que tu savais que le Québec s'aligne vers le Noël le plus enneigé en 10 ans? Même pas vrai. Ben je te le dis. Ah, ben, voyons, c'est non. Des nouveaux records, en fait. C'est pas mal tous les skieurs québécois vont se réjouir un petit peu de tout ça parce que dans les dernières années, on s'entend qu'il n'y a pas eu grand neige non, non plus à l'hiver. C'était genre juste avant Noël, des fois, il y avait un petit peu de neige. C'est ça. Ouais. Puis c'est quoi? C'est voilà 2 ans? Il n'y avait pas de neige à Noël encore. C'est ça, hein? Donc, c'est là aussi que tous ceux qui ont une voiture, qui n'ont pas de stationnement intérieur, vont être très, très fâchés. Mais quand même. La presse a fait un petit peu plus tôt, cette fin de semaine, des prévisions météorologiques avec des experts de Météo Média pour cet hiver, donc l'hiver 2017 et 2018. Et ça s'annonce actif, les amis, vous allez voir. On peut donc s'attendre à d'impressionnantes quantités de neige. On parle de précipitations au-dessus de la normale au Québec. Okay. Donc, on sait déjà qu'au Québec, la plupart du temps, il neige pas mal. Mais là, au-dessus de ça, pas seulement les prévisions pourraient même être plus fortes sur la province depuis 10 ans. Donc, on prévoit qu'il va y avoir un radoucissement des températures vers le milieu de la saison hivernale. C'est un mot qu'on emploie rarement, radoucissement. Hein. Mais on s'en réjouit un petit peu quand même parce qu'il va faire froid aussi. Oui. Mais on sait pas trop si c'est une consolation, en fait. On va pouvoir faire des activités d'hiver, mais quand même, il va faire frisquet. Donc, la météo à venir s'annonce extrême. Sachez-le, c'est plusieurs experts qui le disent. On peut être excité ou on peut être vraiment triste de la situation. Ça dépend si on aime l'hiver c'est ou non. C'est ça, ça dépend. Hein. Si vous avez un appartement vraiment aucunement isolé comme le mien, il va faire fret. C'est ça. Même en dedans. Exactement. Encore une fois, pour le futur, parlons-en. Là, c'est comme des petites nouvelles en rafale, ouais. Mettons. Là. En rafale, c'est cute, ça. On parle beaucoup de weed ces temps-ci. la légalisation de la marijuana au Québec, de la marijuana. Oui. Bien, il va y avoir des règles qui vont entourer cette fameuse consommation-là, il oui, faut le savoir. J'ai weed dire. Weed. T'as eu weed dire. plusieurs attendent, en fait, le moment où il va y avoir des règles strictes et précises avec impatience. Et il y en a certains qui planifient déjà un festival du pot. Sachez-le, ça va se passer du côté du Bas-Saint-Laurent. Il y en a d'autres qui planifient des usines de cannabis, entre autres du côté de Montréal. On a obtenu un permis de production il y a quelques semaines de ça. Donc, tout le monde le sait, la marijuana va être légale cet été. C'est la marijuana ou la marijuana, là? Ça dépend de ton accent. C'est comme des jalapenos ou des jalapenos. Ouais, bon, la marijuana. Marijuana. Donc, ce qu'on ne savait pas encore, c'est qu'il va y avoir des réglementations du Québec sur la consommation qui va être récréative de la substance pour à l'intérieur fun. De la province. Et non pas pour la médecine. Exactement. Donc, le gouvernement a publié un petit peu plus tôt cette semaine un projet de loi sur la régulation de ce fameux petit produit, le fameux weed. Donc, si vous avez besoin de savoir quelque chose, c'est pas mal là que ça se passe, je vous dis tout ça. Ça risque de devoir respecter aussi ces règles-là, sinon on va avoir de graves problèmes parce que ça va être très, très strict au Québec, sachez-le. Donc, on doit être majeur, 18 ans et plus, pour acheter, posséder et consommer du cannabis au Québec dans la prochaine année. Au même titre que pour les cigarettes, la loi sans fumée va s'appliquer pour la consommation du weed. Est-ce qu'ils vont changer les icônes? Parce que là, il y a juste une cigarette sur les comptes. Oh, oui. Ben, une cigarette, un joint, c'est pas c'est mal. C'est pas la même largeur. Ouais, OK, je suis d'accord avec toi. la règle « Don't smoke and drive ». Ben oui, ben évidemment. Hey, hein? Si tu te fais arrêter, on va te demander de fournir un échantillon de salive et tu vas pouvoir perdre ton permis pendant 90 jours. Wow! Pense-y avant de fumer un joint. Non, mais tant mieux. Hein? La substance va être vendue à la Société québécoise du cannabis, la petite sœur de la SAQ. Mm-hmm. Sachez-le. La SQC, ça fait bizarre. Ouais, comme SQ dedans. Oui, mais bon. Le prix risque d'être fixé en 7 et 10 $ du gramme. Au Québec, tu peux pas avoir ton propre plant sur ton balcon ou dans ton garde-robe. OK, une part donc. C'est ça. Okay. Ça va être tolérance zéro pour la conduite sous l'effet de la marijuana et pour la production personnelle de la substance. Okay. Et dans l'éventualité où le point précédent va pas être respecté, c'est-à-dire tolérance zéro pour conduite et production personnelle de la substance, la personne fautive d'une première offense pourrait devoir payer jusqu'à 750 $ d'amende. Ouais, okay. Fait que pense-y avant de te décider de te faire pousser du pot chez vous. Donc, on apprenait aussi un petit peu plus tôt cette semaine dans Le Devoir que les deux derniers points que je vous ai dit, tolérance zéro pour la conduite sous l'effet de la substance de la marijuana et pour la production personnelle de la substance et l'éventualité d'une amende de 750 $, ça pourrait ne pas passer. Le problème, c'est que la loi fédérale permet aux Canadiens de faire pousser jusqu'à 4 plants dans un logement. Okay. Donc, c'est un chiffre arbitraire, on dirait. Oui, je sais. Hein? Il y a des experts en droit qui indiquaient aux journalistes du Devoir un petit peu plus tôt cette semaine que dans un cas comme celui-là, la loi fédérale a le dessus sur la loi provinciale. Oui, okay. Donc, ça reste à suivre pour ces deux derniers points-là parce que, bon, si au Québec, on dit que c'est à compte complètement refusé d'en avoir chez vous et que du côté fédéral, finalement, on dit que t'as le droit d'en avoir 4. Choisis de quel bord t'es. T'es Canadien ou t'es Québécois? Hein? C'est là qu'on va voir ceux qui sont patriarcales. Qui sont patriotes. C'est pas, tellement pas le bon mot. Non, je sais. Qui sont patriotes à fond, mais bon, c'est à suivre. Jette pas tout de suite ton plan si t'en as un non, chez c'est vous. Ça. Ou tout dépendant, jette-le peut-être, on sait pas. Ça reste à voir. Et sinon aussi, ah non, je cherchais un nom de festival pour, je dirais, Weedstock en bas. Weedstock en bas. Pour le festival du weed. Sinon, je dirais, festival du rire de Montréal avec les nouveaux humoristes. Ah, ben parce oui. Parce que quand tu prends du weed, tu ris, c'est ça? Sinon, le festival mais de la poutine, plus calme. Parce que je pense que t'as faim. Peut-être aussi. Ouais, je pense que ça dépend de ton weed, en fait. Ça m'allait pas du tout, le weed. Donc, il y a des cellulaires au volant aussi, c'est problématique, sachons-le. Ouais. Et il va y avoir des sanctions qui vont être très, très salées pour 2018. Okay. Parce que, bon, je sais pas si tout le monde est au courant ou si vous êtes juste insouciant ou irréfléchi, mais si vous savez pas que vous avez pas le droit de texter au volant, ben c'est interdit. Fait que là, vous le savez présentement. Il faut quand même avouer que ça nous est pas mal tous déjà arrivé de se faire klaxonner à une lumière rouge parce qu'elle venait de tourner verte, on checkait notre téléphone, on l'a pas vu, on était sur notre cellulaire, donc c'est pas exactement dangereux. Ça reste que c'est illégal. À la lumière peut-être. Non, mais c'est ça. Ça reste que c'est illégal, donc je dis aussi qu'il y a des idiots, il y en a beaucoup. Il y en a qui textent au volant de façon incroyable sur les autoroutes. Donc, on apprenait aussi un petit peu plus tôt cette semaine que la SAAQ va sanctionner l'usage du téléphone. C'est la source principale d'inattention au volant. Ben oui. Et la façon d'y remédier, bien, on va instaurer des sanctions qui vont être beaucoup plus sévères cette année à partir de 2018. C'est comme ça que ça fonctionne. Et oui, quand on dit pas un petit peu plus sévère, là, on dit pas juste un peu. Hein. Il y a un document qui a été obtenu par Cogeco Nouvelles qui fait état des intentions du gouvernement québécois par rapport à ces fameuses lois-là. Donc, dans la prochaine réforme du Code de la sécurité routière, les pénalités qui sont liées à l'utilisation de votre cellulaire en conduisant pourraient fort probablement pas doubler, pas tripler, quadrupler. Oh! Donc, le gouvernement y pense et si ça se fait, vous risquez d'y penser à deux fois, en fait, avant de toucher votre téléphone cellulaire au volant parce que l'amende va passer d'entre 80 $ et 100 $ à 300 et 400 $ selon la gravité de votre infraction. Sachez-le. Absolument. Et si on parle des points d'inaptitude, bien, il va pas nécessairement y avoir de changement. La personne en faute va se voir retirer 4 points à son dossier de conduite. Et la vraie raison de pas texter en conduisant, c'est d'être sécuritaire, de sauver des vies. Donc, pour éviter 400 $ et éviter 4 points d'inaptitude sur votre permis de conduire, s'il vous plaît, arrêtez. T'sais? C'est aussi simple que ça. Pas dur. Voilà, c'était mes petites nouvelles en rafale, Mathieu. Merci, Tania. Météo, cannabis et cellulaire. Hey, hein? Hey. Varié, pas mal. Voilà. tout à l'heure, on va faire les instructions d'assemblage. Avant ça, on écoute une pièce de The Roddy Ruckus. Voici Lake of Rage tout de suite. Sur C'est fou! 89 FM! Strike it fire. place nobody made money in paradise. What you see is what you get. No one's caught the big one yet. Glittering scales and bearing fangs. The team is washing off again. I can't take it, I won't make it. I'm so terrified. Can't believe it, I won't leave it. You're just what I crave on a lake. Drop the book, and as I turn the page, it sinks to the bottom of a lake of. I can't take it, I won't make it, I'm so terrified. Can't believe it, I won't leave it, you're just what I crave. I can't take it, I won't make it, I'm so terrified. Of Rage par The Roddy Rock et Assemblage Rocky. On prend une pause et au retour, les instructions d'assemblage, puis la fin de l'émission. C'est pas, oh, ça sent bien, ça sent bien. Assemblage Rocky. Pour toi aujourd'hui. Assemblage Rocky. Vous êtes assez fous. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Assemblage de qui? Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage de qui? Toujours dans l'émission Assemblage requis, accompagné de Tania Baudin. Et de Mathieu Plante. Donc oui, l'émission tire à sa fin, mais oui. En grenage. Ouais. Je me fais rire en cette pub-là, c'est moi qui ai écrit le texte, fait que je me trompe pas. Exactement. Donc, oui, tu l'as dit, il reste vraiment pas de temps, presque une vingtaine de minutes environ avant le début de C'est fou le sexe. Mm-hmm. Hein, dans quelques minutes à peine, avant ça, juste assez de temps en fait, pour faire les instructions d'assemblage. Nous vous remercions d'avoir acheté le machin. La poursuite de ces instructions vous conduira à son assemblage. Ces instructions. Étape 1. Prenez d'abord le bidule et l'insérez tout au fond du tige numéro 2. Retournez ensuite la tournevis numéro 24 contre vous. Prenez quelques vis numéro 77 et boulez-les aux charpentes numéro 39. Serrez ardemment avec la clé numéro 17. Repliez le tige numéro 45A. Ouais, mais ça marche pas. Donc, les instructions d'assemblage de la chronique où on se donne quelques petits conseils de vie, on essaie de les suivre, ça fonctionne pas toujours, mais il y en a quand même des bons là-dedans qu'on devrait au moins écouter et essayer, peut-être. Commençons par quelque chose de difficile pour tout le monde. Comment dire à quelqu'un que cette personne-là sent mauvais? Ah, ouais, c'est une question difficile, ça. C'est délicat, comment dire à quelqu'un qu'il sent mauvais. On peut être évidemment honnête, on peut s'asseoir avec la personne pour parler largement du sujet. Mais c'est difficile. C'est un petit peu difficile. Donc, un site nommé nooffenseoranything.com va envoyer un courriel à votre ami leur disant que quelqu'un pense que tu pues. Ah, mon Dieu! Pas besoin de créer un compte ou rien, ou donner d'informations personnelles. T'as juste à entrer le nom et le courriel de votre ami dans un petit formulaire sur le site. Ils vont recevoir une lettre, possiblement dans leur courrier indésirable, qui ressemble à ceci. « Chère personne, sans vouloir vous offusquer, no offense or anything, c'est le nom du site quand même, mais un ami qui vous aime bien. » J'aimerais que vous sachiez que vous avez un problème d'odeur corporelle. Ne soyez pas offusqués, s'il vous plaît. Tout plein de gens souffrent de problèmes d'odeur corporelle et ne sont pas au courant. Nous sommes humains et des fois, on peut sentir mauvais, mais il y a plusieurs choses à faire pour contrer ce problème. Donc, se laver tous les jours, porter du désodorisant, ne pas essayer de masquer votre odeur avec de la cologne. Vous allez juste puer plus encore. Faire votre lavage régulièrement. Et si vous faites déjà tout ça, vous avez peut-être un problème. L'hyperhydrose en français, je crois. Ou suer excessivement. Il faut aller voir son médecin. Sinon, visitez. Et là, je continue à lire le courriel. Tout ça est écrit dans le courriel. Okay. nooffenseoranything.com/bodyodorsolutions.html pour plus d'informations pour combattre ce problème. Pas super personnel. Hein? Super personnel, mais quand même. Des fois, la personne pourrait peut-être au moins réaliser son problème et au moins, c'est peut-être moins gênant pour elle si elle sait pas de qui ça vient. Je sais pas. J'ai aucune idée, moi. Je sais pas comment je le prendrais. Je sais pas non plus. Aucune idée. Bref, ensuite... complètement différent comme sujet, on peut chercher sur Google, sur eBay via photo. Simple, hein? Donc chercher sur eBay, des fois, bon, tu écris quelque chose, tu écris quelques mots, tu espères trouver quelque chose qui est pertinent. Ça dépend de la façon qu'on tape ces mots-clés. Si vous avez une photo de quelque chose que vous cherchez, peut-être un style de vêtement particulier, maintenant, vous avez juste besoin d'une photo. Selon TechCrunch, eBay a lancé Image Search, donc il vous permet de prendre une photo ou encore en envoyer une de votre téléphone et chercher donc sur eBay à partir de ça. Il y a aussi Find It on eBay qui vous permet de chercher avec une image... qui vous permet de commencer, oui, avec une image que vous trouvez sur le web ou sur des réseaux sociaux. Pour l'instant, c'est sur les téléphones seulement et pas sur le web. C'est disponible sur iOS et Android, alors que Find It on eBay est seulement sur Android. Et pour les gens sur l'ordinateur, vous allez devoir continuer à chercher par mots ou bien à prendre votre cellulaire pour aller sur eBay. C'est comme ça. On essaie de trouver une façon maintenant de se souvenir de ses rêves. En disant tes intentions d'abord. D'accord. Donc, se souvenir de ses rêves après qu'ils aient eu lieu ou être au courant que t'es dans un rêve pendant que t'es en train d'en avoir un, c'est pas super facile. Science Alert nous dit que seulement environ la moitié des gens sont capables de réaliser qu'ils sont dans un rêve pendant qu'il a lieu. Donc, rêve lucide, c'est ça? Et seulement le quart des gens disent avoir des rêves lucides fréquemment. Par contre, si tu veux te souvenir de tes rêves, les chercheurs ont trouvé une technique qui pourrait t'aider. Donc, ça a été publié dans Dreaming, le journal Dreaming. Ouais. Les chercheurs ont donc regardé différents processus pour aider le rêve lucide. La principale méthode dans le groupe est une technique qu'on appelle le MILD, donc Mnemonic Induction of Lucid Dreams, l'induction mnémonique de rêve lucide. L'idée derrière ça, c'est de répéter la phrase « La prochaine fois que je vais rêver, je vais me souvenir que je rêve ». Ben là. Pendant que t'es debout. Apparemment que ça suggère quelque chose à ton cerveau. OK. On dit que 17% des participants ont dit avoir des rêves lucides en utilisant d'autres techniques, mais ceux qui utilisaient le MILD, donc ce dont je viens de parler, avaient un taux de succès de 46%. OK. Donc, il y a la moitié des chances que ça fonctionne pas, mais c'est la meilleure solution parmi les solutions qu'ils ont essayées. Donc, en répétant la phrase dans ta tête pendant que tu t'endors, ça va créer l'intention dans ton cerveau que tu vas en fait te souvenir de tes rêves et ça pourrait mener à un rêve lucide. Encore mieux, ceux qui utilisent cette technique-là disaient de ne pas se sentir plus fatigué le lendemain, contrairement à certaines autres techniques essayées. Par exemple, se réveiller en plein milieu de ton rêve. Ça, les participants se sentaient fatigués le lendemain. Hein? On se comprend? Ensuite, parlons d'une... Justement, on a parlé de dormir. Parlons de se calmer avec une technique militaire de respiration pour se calmer. Ah, OK. Que ce soit au travail ou ailleurs, la pression de la performance ou un projet que vous avez, peu importe, ça peut être difficile d'être bon au travail si t'es extrêmement stressé. Donc, si t'arrives pas à t'échapper du bureau, on peut utiliser une technique que les soldats utilisent. Ça s'appelle « tactical breathing », donc la respiration tactique. On appelle ça aussi des fois « combat breathing »,« four-count breathing » ou « diaphragmatic breathing ». Donc, c'est de baisser votre battement de cœur pour reprendre le contrôle de votre respiration. Donc, c'est une des choses qu'on peut faire quand les choses vont mal autour de soi. Nous explique la psychologue Belissa Vranich, qui nous montre une petite version vidéo dans cette vidéo de techinsider.com qui est sur assemblagerequis.com. Elle qui est l'auteur de Breathe, the Simple Revolutionary 14-Day Program to Improve Your Mental and Physical Health. Boy. Juste là, tu manques de souffle. Ouais, c'est ça, exactement. Elle sait ce qu'elle fait, je pense, en manquant de souffle, comme ça, en disant le nom de son livre. Donc, on va regarder la petite vidéo ensemble et on va essayer de la décrire ensemble, si ça fonctionne. Est-ce que ça fonctionne de ton côté, la vidéo? Non. Moi non plus. Fun stuff. Oh, je pense que la v'là. Oui, son secret, oui, voilà. Donc, lorsque la Maison-Blanche reçoit des lettres troublantes, les services secrets vont vérifier une base de données. Une base de données, attention, qu'est-ce que ça dit? Oui, une base de données, des étiquettes de stylos pour savoir où le stylo a été emprunté. Je pense que c'est comme une liste de faits sur les services secrets. Bref, les agents connaissent les premiers soins et l'entourage du président a du sang en surplus au cas où on aurait besoin d'une transfusion. C'est ce que nous dit cette vidéo-là. On va arriver à la respiration plus tard. Oui, c'est ça. ça dit que les hôtels aiment pas ça, mais les services secrets vont prendre des étages au complet dans des hôtels, entre autres, et vont s'approprier les ascenseurs pour leur propre utilisation dans les hôtels. Ils filment tout juste au cas où. Les agents voient toujours l'assassinat de John F. Kennedy lors de leur entraînement pour comprendre comment une situation peut perdre le contrôle éventuellement. Et sûrement que le cinquième, va sûrement être la respiration, hein, c'est ça? Les chefs à la Maison-Blanche sont surveillés et les gens de la marine préparent la nourriture lorsque le président est en voyage à l'extérieur. Eh bien. Est-ce qu'il y en a un sixième? C'est le sixième? Non. Les salles de bain et les bureaux du médecin sont peut-être privés pour les civils, les gens de la communauté, mais les présidents ne sont jamais seuls lorsqu'ils sont chez le médecin. Je savais pas. Quand même. Il n'y avait aucune mention de la respiration. Aucune mention. c'est peut-être... OK, je pense que c'est en dessous. C'est ça. C'est celui en dessous. One of my favorite breath counts is called tactical breath. It's from la respiration tactique vient de l'armée. Voilà, si tu continues quand les choses vont mal autour de soi, j'en parlais tout à l'heure, et que tu veux rester au calme, c'est ce qu'elle va nous expliquer dans cette vidéo-là. So, what I want you to do donc, ce que vous faites, lower body breath. We're gonna do this count. On va compter. Donc, on va le faire en même temps qu'elle. Inspiration, 2, 3, 4. On se retient, 2, 3, 4. On expire, 2, 3, 4, 5, 6. On tient encore une fois. On inspire. On tient son souffle. On expire. On retient après ça. My God. 6, hold 2. Close your eyes. En fermant les yeux, bien sûr. C'est difficile de retenir les 4. C'est 4, 4, 6, et deux fois. C'est trop compliqué, 4, 4, 6, 2, je trouve. C'est pas des chiffres faciles à retenir. Mais apparemment, c'est comme ça qu'on respire dans l'armée quand on veut se calmer. Vous aurez compris, la vidéo est sur assemblagerequis.com. Inspirez, retenez votre souffle. Expirez, retenez votre souffle. Simple. Je trouve pas. Non, moi non plus. C'est une technique, hein? C'est une technique. Les soldats utilisent ça pour rester calme. La musique est vraiment calme. Je pense que la musique derrière aide à la relaxation. Ouais. Merci, Madame Truc. Belissa Vranich. Toujours dans les instructions d'assemblage. Continuons avec... comment changer un travail duquel vous aimeriez démissionner? OK. Hein? T'es pas obligé de détester ton travail si tu veux considérer peut-être démissionner. Se sentir tiède au sujet du travail que tu fais ou de ton équipe, ça peut être assez pour te faire penser à peut-être modifier ton CV et peut-être commencer à chercher un autre emploi. Mm-hmm. Avant de mettre de l'énergie là-dedans, ça pourrait valoir la peine d'identifier le problème et de voir s'il y a une façon d'améliorer la situation. Donc, quelques petits conseils avant de tirer la plug sur la place où vous travaillez. On a plusieurs suggestions dans l'article, évidemment. C'est Jenny Mayer, la rédactrice en chef du site The Muse, qui partage un exercice à faire pour trouver les pour et les contre de votre rôle. Donc, elle recommande de se poser les questions suivantes. Question numéro 1. Quelle assignation des derniers mois m'a le plus excité? Ensuite, de quel projet est-ce que je suis le plus fier? Ensuite, qu'est-ce qui fait que tu te sens un petit peu vidé ou sans inspiration? Qu'est-ce que tu peux apprendre? Avec qui peux-tu connecter? Et quelles habiletés peux-tu ajouter à ton CV qui va faire que tu vas avoir un emploi? Donc, des habiletés que tu as eues avec ce travail-là précisément. Une fois que tu as les réponses à toutes ces questions-là, tu peux chercher des façons de travailler plus sur ce qui t'attire, sur des projets ou des gens qui t'attirent au travail. Ça pourrait être d'aller parler à quelqu'un pour lui demander s'il a besoin d'aide dans un projet, des trucs comme ça. c'est ce qu'on nous suggère. Ensuite, on suggère, et là, c'est un article assez long, de travailler avec votre gestionnaire, votre patron immédiat, pour essayer de trouver des façons d'avancer ou de mieux aimer votre travail. C'est ce qu'on recommande sur ce site. Ensuite, dans le même domaine du travail, comment se préparer pour travailler à la maison? Ah, OK, oui. Ouais, donc on a dit, pour commencer, que le jour avant de travailler à la maison, on va se rappeler de transférer nos fichiers importants pour pouvoir travailler de la maison, bien sûr. Si tu utilises un autre ordinateur, tout synchronisé sur Dropbox, par courriel, par clé USB, et même si tu utilises le même ordinateur, donc que tu transportes ton ordinateur de chez toi au travail et que tu te fies surtout sur le nuage, souviens-toi de préparer donc tes autres appareils pour pouvoir t'authentifier, des trucs comme ça. Amener tes documents physiques à la maison. On recommande aussi de préparer son espace de travail le soir d'avant, donc enlever les trucs qui font maison, donc les trucs qui te rappellent que t'es pas au bureau. Essaie de copier ton environnement de travail autant que possible pour avoir envie de travailler. Installe tes conforts que t'as au bureau, par exemple, je sais pas, ça pourrait être une plante ou ton café, je pense. donc, on se met en mode travail, on ferme les Facebook et autres trucs personnels, on se crée peut-être même un autre compte dans votre furteur Internet, par exemple Chrome, on s'ouvre un nouveau compte. Et donc, c'est pour se préparer à mieux travailler, à être plus productif. Ensuite, des phrases passives-agressives. On connaît ça, le passif-agressif, Tania et moi, une fois de temps en temps. Ouais, ouais, pour que vos collègues soient plus actifs. Ah, d'accord. C'est une suggestion qu'on a ici, donc on a tous, je nous inclus pas nécessairement là-dedans, là, je parle en général dans la vie, ça arrive qu'on a un collègue de travail qui est plus difficile à gérer, ça peut être une question de personnalité qui vont pas ensemble, ou sinon ça peut être des dates limites qui sont manquées par ce collègue-là, donc la prochaine fois que vous êtes frustré par une personne précisément au bureau, on pourrait suggérer donc un petit peu de passive-agressif, d'agressivité passive. C'est pas toujours pour tout le monde, mais c'est pas toujours compris par tout le monde. Donc, on essaie de déployer quelques phrases pour que vous vous sentiez un petit peu mieux et faire espérer, en tout cas, au moins que votre collègue va comprendre le travail. Par exemple, la phrase « comme on s'est dit précédemment », donc quand votre collègue oublie un détail ou une étape que tout le monde connaissait, ouais. On peut la répéter en disant « comme on s'est dit précédemment mm-hmm. ». On peut dire aussi juste un petit suivi pour savoir si on est toujours dans les dates, dans les temps. Ah, donc, si vous êtes proche de la deadline, de la date limite et que vous n'avez pas eu de mise à jour de votre collègue, vous pourriez dire « Je vais juste faire un petit suivi, voir si on est toujours dans les temps. » Ou encore « Je t'envoie ça de nouveau au cas où mon précédent courriel était enterré parmi d'autres courriels et j'aimerais avoir une réponse d'ici X temps. » Oui. Tu comprends? Parce que des fois, c'est vrai que les courriels s'empilent, donc tu y vas de façon passive et agressive, même si la personne sait pertinemment qu'elle a vu ton courriel et qu'elle a juste pas répondu, tu lui dis « Je te renvoie ça au cas où que ça s'était empilé. » C'est ça, exactement. Ensuite, la phrase « Est-ce que tu as un plan pour cette réunion? » Quand quelqu'un t'invite à une réunion et que tu n'es pas sûr que ça va avoir lieu, mm-hmm. c'est une réunion la semaine prochaine, bon, oui. blablabla, tu dis, bah, OK, ben, c'est quoi le plan pour la réunion? Ouais, ouais, ouais. C'est important, ça. Oui. Une autre phrase. Tiens, dans le futur, j'aimerais mieux que tu... Trois petits points, donc pour rediriger le comportement de votre collègue de travail pour que ça fonctionne mieux et suivre un processus établi. Donc, dans le futur, j'aimerais mieux que tu fasses ça à la place de... Mais tu dis de façon passive-agressive. Et... un autre, des fois, il y a des personnes dans votre entourage qui peuvent avoir des questions qui sont clairement, tu sais, très, très faciles et déjà expliquées à quelque part. Oui. Donc, tu vas dire, dans le futur, tu peux trouver cette information-là, tu sais, en passant sur tel endroit, sur tel fichier, sur telle affaire, pour pas que la personne ait à te le redemander encore quand tu t'annes. Do it yourself. Do it yourself. Let me Google that for you. Donc, voilà pour quelques petits conseils pour vos collègues. Voilà, on va terminer là-dessus, pas mal. Mm-hmm. On va terminer là-dessus, parce qu'on a une émission après nous. Oui, exact. C'est l'émission C'est fou le sexe, oui. qui s'en vient dans quelques instants, dans quelques, je dirais pas, dans quelques minutes. Non. Non? Tu dirais pas ça? Ben, 10 minutes, mettons. Dans 10 minutes environ, ben, le temps qu'on se quitte. Pas quelques, c'est mais... ça. Le temps de faire nos affaires pour boucler l'émission. Le temps de vous dire que les notes de l'émission sont sur assemblagerequis.com. Les notes de l'émission numéro 1158. Et maintenant, on termine l'émission, on fait sur une petite note. Oui. Une déclaration, comme on appelle dans le domaine, un statement. A statement. Oui, une déclaration au sujet de l'émission Les Palmarès, c'est fou. L'émission, vous le savez, animée par moi-même, Mathieu Plante, et toi, Tania Baudin. Qui a été retirée des ondes pour une durée indéterminée. On nous a fait part de la décision lundi dernier. On a préféré attendre que la poussière retombe pendant exactement une semaine avant de l'annoncer en ondes. On n'a que dit des subtilités depuis les derniers, jours. C'est ça. Donc, cette décision, on doit dire qu'elle n'est pas la nôtre, ni celle de la programmation non plus. C'est celle de la direction de CIFU 89.1 FM. On l'accepte, on n'a pas même le choix, mais on l'accepte avec déception personnellement, pour nous deux, mais aussi et surtout, je dirais, pour les artistes que l'émission a pu faire connaître à travers les années. J'animais l'émission Les Palmarès CIFU en tant que telle depuis 2004, une émission qui existait avant, mais qui s'appelait simplement, dans le genre, Les Palmarès de CIFU ou Le Palmarès, ou l'émission Les Palmarès CIFU avec trois mots et des majuscules. C'est pas mal moi qui ai amené ça en 2004. Donc, je vous remercie d'avoir écouté l'émission, bien sûr, Les Palmarès C'est fou. Je te remercie, toi, Tania. J'ai eu le grand plaisir d'animer ça depuis 2015 avec toi, que ce soit en version hebdomadaire, changement de case horaire, de jour, une fois de temps en temps. Eh mon Dieu, hein, on a changé d'horaire. Ça n'arrêtait pas au début, pendant les premiers mois. On l'a animé en version quotidienne pendant pas mal, exactement 2 mois. Exact. Maintenant, c'est terminé. Donc, on va voir ce que le futur nous réserve. C'est un retrait pour une durée indéterminée. C'est dans une autre direction que C'est fou s'en va avec ça. Donc, on sera pas ensemble pour les midis. On a eu la semaine passée pour s'en remettre. La dernière fois qu'on a animé, c'était il y a 2 semaines, cette émission-là. Il existe toujours quand même Les palmarès de C'est fou sont quand même diffusés avec des numéros entre les pièces les mercredis et jeudis midi. C'est comme ça. Voilà. Nous, on termine l'émission là-dessus. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. En effet, merci Mathieu. Merci à toi, Tania. Merci à Alicia Lemieux qui a fait sa chronique éco-responsable en début d'émission. Xavier McLeish devrait être de retour avec nous la semaine prochaine si tout va bien, si le temps le permet, la météo est bonne pour lui. Plus tard sur nos ondes aujourd'hui, C'est fou le sexe s'en vient, comme j'ai dit tantôt, à partir de 10h. Ensuite, la rediffusion de C'est dans ta face et dans la case du midi. Ensuite, à 13h, c'est la rediffusion de Rock Classique avec Alain Lefebvre et le Dr Pendragon. À 20h, Rock de Neurone avec du rock progressif. CIFU.ca pour la programmation complète. AssemblageRocky.com pour les notes de l'émission, les balados diffusion. Encore une fois, merci Tania. Encore une fois, merci Mathieu et tout le monde. Bon café. Oui, à demain 7h. Et bye.